Ok, va-t'en, toi, à la fenêtre. On a un podcast à faire. Nous sommes le jeudi 8 octobre 2020. Vous écoutez On a juste une vie, épisode 294. Je parle mal et je suis narf. Je suis Blob. Je suis Anne-Marie. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Ben, je sais pas, j'ai déparlé, puis après ça, j'ai continué. Parce que c'était drôle. Puis le punchline de la joke, c'est les cocombes coupés dans son longueur. Qui est une joke qu'on n'expliquera pas. On va tout de suite transitionner vers... Non, mais il y a une page Facebook, fait que vous pouvez aller voir. Ben là, dans le temps qu'on est, je sais pas si on a encore une page Facebook. Ça. On avait une page Facebook pour les cocons courant en sens de longueur. On pourrait créer une page Wikipédia. Ça serait cool. Hein? Ben, en fait, tu dis ça, mais la brigade SNW, on avait le wiki encyclopédique de savoir con. Wow! Et qui est encore disponible en ligne parce que je l'ai réparé l'autre jour. Ça fait pas si longtemps que ça. Et il y a bien sûr une page sur les cocombes coupées dans le sens de longueur. Fait que c'est probablement mieux d'aller voir là plutôt que Wikipédia. Puis comment est-ce que vous trouvez ça? Ouais, c'est ça. T'es-tu annexé SEO? Je pense que si tu cherches comme Brigade SNW, Wiki ou Brigade SNW, concombre coupé dans le sens de longueur ou okay. Wiki encyclopédique de savoir con. Je pense que tu devrais trouver cette information-là. Le pire, c'est que là, je viens juste de me rappeler, parce que Blob, tantôt, il disait genre « Oh, on sait même plus d'où ça vient. » Mais là, je viens de m'en rappeler d'où ça venait. C'est un jeu vidéo, guys! C'est vrai? On n'est pas hors sujet! Ah, c'est ben pas oui, juste un segment bouffe. Il est annexé, ton truc. Ok. Il est quoi? Je l'ai, le wiki encyclopédique de savoir con. Wow! Cherche la page des concombres coupés dans le sens de longueur. Et fais-nous en la lecture. J'espère qu'il y a... Non, il n'y a pas de truc pour faire une recherche. Ça serait-tu dans Mythologie? Oh, probablement. Oui. C'est dans Godzilla? Non. C'est à côté, je pense. Ouais. Mais le wiki de la brigade SNW était trié d'une manière très particulière. À côté, c'est juste pas... Pourquoi ça serait dans Mythologie? C'était peut-être dans Truc Hot. Ah, c'est dans Sam & Max, troisième saison, épisode 2. Oui! Oui, c'est ça! OK. Les jeux de Telltale, dans le temps qu'ils faisaient des plus comme des point-and-click adventure games en 3D... Ben, c'est encore ça qui... faisait, ben, c'est juste que... Ouais, mais c'était plus comme des films interactifs. Mais là, c'était dans le temps que c'était vraiment comme des jeux avec des puzzles à résoudre puis des objets à ramasser. Là. Il y avait Sam & Max. C'est une vieille série de LucasArts, hein, je pense. C'est comme à l'époque qui faisait Monkey Island puis ces affaires-là, non? Oui, il y a eu un jeu Sam & Max. Il y a eu des dessins animés. Je sais pas lequel est venu en premier. Je pense que c'était une BD au départ, puis après ça, ça l'a fait le jeu d'origine de LucasArts, puis après ça, ils ont fait les... Hey, mais là, check qui, là. Allez sur Wikipédia. Pas le wiki encyclopédique de savoir con. Non. Wikipédia ordinaire, puis je suis sûr que vous allez avoir plus d'infos. Et oui, dans l'épisode, c'est que... là, je vais vous vendre le punch de ce running gag, mais comme... Il y avait un peuple de taupes dans les égouts en dessous de leur maison, de leur bureau. Puis là, t'allais, dans l'épisode, je sais plus lequel, celui que Anne-Marie a dit, là, t'allais checker des vieux films d'archives pour... Puis là, il y avait les ancêtres du peuple des taupes qui étaient des Égyptiens. Puis les Égyptiens trouvaient ça vraiment drôle, des cocombes coupées dans le sens de longueur. Mais comme... Attends, c'était pas tant drôle, mais comme insultant ou comme « Ah, oh, check, lui, il est vraiment weird. Hey, il coupe des cocombes dans le sens de la longueur. » Ouh! Les Égyptiens, ils avaient-tu des cocombes? Écoute, ma source d'information, c'est Sam & Max, saison 3, épisode 2. Donc, J'ai tendance à croire que s'il y en avait, il était sec puis plus vide. Mais c'était les Je sais taupes, là. pas, Pas les ouais. Égyptiens ordinaires, là. Ah, Les c'est les taupes taupes. égyptiennes. C'est les égyptopes. Les égyptopes. Et les concombres coupés dans le sens de la longueur. Wow. Puis là, je sais pas pourquoi, mais j'ai dû trouver ça bien drôle. Puis là, je me suis mis à parler de ça à tout le monde. Puis là, ben. À un moment donné, on a fait un show, puis on a invité du monde à venir sur scène couper des concombres dans le sens de la longueur. Wow. T'sais. On a sorti une table, puis des cocombes, puis des couteaux en plastique, puis Ah. on a coupé des cocombes dans le En sens de la longueur. plastique. Ah, Puis ça là, a dû être si il y avait dur. un public qui était comme, qu'est-ce qui se passe? Ça a dû être si Est-ce qu'on en fucking a dur. fait des niaiseries? Qu'est-ce que t'as dit? Ça a dû être tellement dur couper des cocombes avec des fucking couteaux en plastique. On avait peut-être un vrai couteau. Qu'on a ramassé, je sais pas où. Peut-être quelqu'un du public qui est venu avec un couteau. Ils ont eu Mais je le sais sien. pas. C'était en convention, c'était à l'époque où les weapon checks étaient pas les mêmes. Ah, c'est ça. Ouais, non, ça, c'est vrai que ça se pourrait pas. Hein. Anyway, arrêtons de parler des cocombes coupés dans le sens de longueur et On pourrait parlons d'un parler de truc jeu. important. Savez-vous quoi, guys? Quoi? On a reçu, Oh pour la première fois depuis au moins 1000 ans, oui. Au moins. on a reçu du courrier d'un auditeur que je suis en train d'ouvrir, mais Gmail est fucking lent à ouvrir. C'est-tu quelqu'un qu'on connaît ou c'est-tu un nom qui dit de quoi? Ubis Ok, non, cool. Il y a de son quelqu'un qui nous email écoute. Gromlum. Alors, il nous écrit Chalosse. dans l'épisode 286. Ok, c'est pas si vieux que ça. En Puis fait, je c'est m'en ça rappelle l'affaire. pas fuck all, là. Juste pour dire à tout le monde, là, c'est que moi, j'ai lu le email, puis j'ai fait de qu'est-ce? J'avais aucun souvenir qu'on avait parlé de ça. Fait que, comme, imaginez ça pendant que je vais lire le email. Puis clairement, Blob et Anne-Marie, vous aviez aucune idée, vous autres, avec. Ben non, mais moi Ah! c'est mon genre de parler de ça, là. C'est que c'est sûrement moi, là. Fait qu'il nous dit que dans l'épisode 286, il y avait un gros débat à savoir si Anne-Marie avait raison de jeter les pleurs de patates dans le poêle pour nettoyer la cheminée. Ouais, mes Il dit, parents font voici ce ça. que j'ai trouvé, j'avais 3 minutes à perdre. Puis là, il nous envoie un lien vers un site potentiellement sérieux, mais potentiellement pas. Le site Dans explique la... exactement ce que mes parents font, by Comme faire sécher les pleurs de patates dans le four ou je sais pas the way. On quoi, les puis fait pas après ça, les. sécher, là. On les crisse d'un tas dans du papier journal, puis on attend une semaine. Ouais, puis là, quand ils sont secs, tu les mets dans le foyer, puis là, tu les brûles, puis là, c'est supposé Mes parents que disent la que ça paraît vraiment. que les f... que la fumée des pleurs de patates va nettoyer la fumée incrustée dans la cheminée. Yep. Moi, j'y crois pas, mais. La chose qu'on appelle le créosote. Yep. Ça a l'air que le ramoneur, il s'en rend compte quand ma mère, elle l'a fait. Et Ça a l'air que ça boboyum. jamme moins. Fait que, écoute, on va pas vous dire si c'est un vrai truc ou pas. Vous l'essayez à vos risques et périls. Mais Ça peut Ubis pas nuire. continue en Ben, nous ça fait disant, plus de boucan. c'est ça, je comprends Mais pas. c'est pas Je peux la pas même nettoyer de la boucane boucane. en faisant plus de boucane. Peut-être que ça fait Who knows? une boucane collante d'amidon qui fait que la prochaine couche de créosote est pas capable, genre, de minéraliser aussi bien. Fait que là, ça fait comme du créosote avec des couches de collant qui se défait tout seul pour En le fait, ramoneur. l'affaire, là, puisque l'article mentionne aussi, là, en tout cas, ce que mes parents disent, puis que l'article mentionne aussi, c'est qu'au contraire, ça nettoyerait la croûte qui est déjà là. Ce qui fait vraiment moins de sens que ce que tu viens d'expliquer. Ouais, ça j'ai un peu de misère, mais Ouais. bon. C'est Ouais, comme si t'étais noir de charbon, puis là tu te dis, ah, pour me nettoyer, c'est facile, je prends un peu de charbon, puis là je me le frotte d'en face, puis ça enlève le charbon. ben non, mais si tu prends, mettons, de l'argile, ça se peut que tu réussisses à enlever ton charbon, genre, comme, mais je sais pas, man. Ah, Je suis ok. pas prête à dire que ça se peut pas. Mais c'est vrai que pour décoller de la gommette bleue, rien de tel que d'utiliser de la gommette bleue. Fait que, Le charbon, peut-être là, que. ça nettoie les taches jaunes de ses dents. Tes dents deviennent plus blanches. Eh. On croirait qu'il viendrait noir, mais. C'est ça. Mais non. Fait que Ubis Okay. continue en nous disant, by the way, même si vous n'avez pas parlé de. Je le lis parce que ça, c'est le bout que c'est. Que là, ça nous valorise nous-mêmes. C'est comme. Même si vous n'avez pas parlé de jeu dans ce podcast-là, c'était parfait. Oh wow, Je c'est suis bien même pas fin. sûr. On a sûrement parlé de jeu, On a là, sûrement quand même. parlé d'une affaire ou deux, là. C'était peut-être un épisode qu'on a parlé full de politique. Peut-être. 2,86. Ben, ça ferait comme. Scroll, On est scroll, rendu à scroll, quoi, scroll. là? On est rendu à deux. Oh, quand ça commence à faire comme 8 épisodes. Ouais, mais c'est pas OK, ça si commence à être longtemps que vieux. ça. Hey, Ubis, catch up, là. Écoute-les, les Ah non, on se podcasts. parlait, on se pognait oh oui, on jasait de Apple qui cancelle Fortnite sur les iPhones, puis de Epic Comment la est-ce qu'on est venu bataille. à parler de plots de patates dans la cheminée? Écoute. Écoute. C'est peut-être Justement, écoute le podcast pour le savoir. C'est comme n'importe quoi, là. On est capable d'enchaîner vers vraiment tout. C'est peut-être dans Là, le segment bouffe. ben justement, il continue. Je vous écoute pas nécessairement pour les jeux en général, mais plutôt pour les segments bouffe et pour les références vraiment focales que vous sortez tout le temps. Arrêtez pas, vous améliorez toutes mes raids de boss. Hey! Oh, c'est tellement fin, merci. C'est C'est signé Hubert. parfait. Ah, j'avais pas vu le nom. Ça fait C'est ma journée en Hubert. esti. Merci Hubert de nous Awesome. écouter pour les stupides segments bouffe. T'as dû être choyé avec le début de ce podcast à propos des cocombes coupés dans le sens de la longueur. Ce summum de l'humour! Un gros merci, ça nous réchauffe le créosote. Oh, ça réchauffe Mais nos cœurs de créosote. si tu veux pas être obligé de l'enlever, là, t'as juste à pas l'installer, le créosote. Ah oui, ben oui. C'est Y a comme pas les taches pensé jaunes à ses faire dents. ça? T'avais juste à pas Ouais. y mettre là. Ouais, Mais mettons là. que un coup qui s'est nettoyé, là, tu enduis tout le dedans de la cheminée avec de la vaseline. Arc. Collera Arc. ton créosote. L'odeur de pétrole brûlé, t'as. La Arc. vaseline, elle va couler Pis la dans le face de feu. ton ramoneur quand tu expliques que t'as mis, genre, du lubrifiant partout à l'intérieur de ta cheminée. Hey, la vaseline, c'est super bon pour quand t'as de la peau sèche. Quand la peau vraiment très très sèche, tu fais trop d'eczéma, là. Une bonne couche de vaseline 2 fois par jour, là, ça te répare. Ben, il y a des Je bonnes crèmes à comprends pas main qui comment font ça c'est aussi, là, fiable. mais... Ouais. Ou de la extra crème à main. Ben, c'est du gras, dans le fond. Ouais, c'est ça. Ah non, mais c'est de la gelée de pétrole blanche. Moi, je comprends pas d'où ce qui vient le pétrole là-dedans. C'est comme, c'est Ben, juste du gras. c'est du plastique, là. C'est comme du Crisco. Et À part comment que tu ça fais doit pas pour être partir avec du mangeable. pétrole puis le Non, on faire mange pas ça. devenir blanc? C'est de la vaseline, puis c'est acceptable de t'en mettre ses lèvres. Puis Ouais, je Dieu pense sait que que je t'es m'en mieux mets avec du beaucoup, beurre fait de que. coco, honnêtement, là. Mais Ouais, bon, mais c'est juste moi qui est une c'est un hippie. aliment. Est-ce que ça goûte le coconut? Ouais, un peu. Ben là, c'est terrible d'abord parce que là, si je m'en mets ses lèvres quand parce que j'ai les lèvres gercées, là je vais tout le licher. Ah, Puis là, ça va être ben. encore plus gercé et sec. Ah, mais c'est pas si bon que ça. Ça se Ah, partage pas ok. ça tant que Ouais, ça. mais c'est parce que c'est pas sucré, là. Tu dois t'imaginer du coconut sucré, là. Ou, tu sais, un dessert au coconut. Ou... Ouais, non, c'est pas ça, là. C'est comme boire du lait d'amande pas sucré, le monde font le saut, là. Ouais. Ah La seule non, ça affaire, c'est c'est que interdit. tu mets ça sur ta bouche puis tu passes proche d'un zoo, c'est possible que ça intéresse les gorilles. Puis, tu sais, tu veux pas toujours ça, là. Tu te fais frencher par un gorille? Ben, ça se peut, là. Je sais pas, ça va être tant du frenchage que juste du lichage. Faut faire attention à Danky Kang. Ben, écoute, il y a des filles qui disent qu'il y a des gars qui savent pas embrasser puis que ça ressemble pas mal à du lichage, fac. Quand tu sais pas faire la différence entre ton chien et ton chum, il y a un problème. C'est sûr que si tu mets du beurre de peanut sur tes lèvres. Ou, comment que. C'était quoi le trailer Anari qu'on avait écouté? C'était Death Stranding, je pense, avec le méchant qui lichait la face de la fille. Ah oh ouais, parce qu'évidemment que genre Pour assumer de la dominance sur une femme, faut y licher la face. Ouais. L'excellent trailer de Death Stranding. Des c'est un positions gros très trope d'anime, ça. Ouais. C'est tout le monde qui lèche tout le monde, en fait. Là. Ben, en fait, c'est drôle parce que je viens de regarder le highlight reel d'une de mes collègues. J'ai une collègue qui est actrice, puis qui travaille dans notre labo comme day job, genre. Puis elle vient de faire un highlight reel de comme tous ses rôles qu'elle a fait. C'est comme un portfolio, genre. Puis, ouais, c'est elle qui a joué l'oracle dans le film 300. Kelly Craig. 300, le film She's great. De... Oui. Le 300, This le is Sparta? Oui, c'est ça. Il y a comme une oracle là, dans l'espèce d'histoire de mythologie grecque fuckée, là, qui est comme une belle fille qui flotte dans les airs. Là. Puis vient une espèce de vieux monsieur vraiment dégueulasse pour y licher la face. Puis je pense qu'il y a une vision. Je sais pas. Mais bref, il y a un vieux monsieur tout fait que pustulant c'est pas qui liche la l'oracle qui face. a les visions, c'est les gens qui Je lichent le la sais face de pas! l'oracle. Mais peut-être, comme... Je me rappelle pas du film parce que ça fait bien trop longtemps, mais genre, pourquoi quelqu'un licherait la face de bord? Pour avoir des visions. Ben, c'est ça je me disais, mais genre, Écoute, je sais pas. Peut-être qu'elle s'est maquillée avec des champignons hallucinogènes, tu sais. Oui, c'est ça. Allons debunk les visions prophétiques. Sauf que, honnêtement, si j'étais l'oracle... Il me semble que je me maquillerais pas à faire, tu sais, je m'en mettrais ses mains ou ses pieds, mais pas d'en face, comme je peux pas me faire licher la face. Ah non, mais le vieux monsieur louche va venir te licher à la face juste parce qu'il peut, fait que tant qu'à faire, tu sais. Ben là, mets du poison à rat d'abord. Oh oh! On fait-tu un segue vers Yoshi's Island? Oh shit! Parce que le Yoshi, il liche! Il liche-tu la face des gens? Ben, il liche pas mal tout, je pense. Pas les gens en particulier, là. Mais c'est je sais vrai, pas dans... si manger... Je sais pas si... Tu peux-tu vraiment dire que c'est liché quand c'est une langue comme les... voyons, comme les grenouilles qui est Caméléon. genre en fait du velcro, là? Ouais. Une langue caméléon. Ouais, c'est Ouais, ça qui fait c'est juste vrai que c'est comme... pas tout à fait la même chose. Est-ce qu'on peut appeler ça liché quand tu fais juste comme scotcher, genre... Ouais, disons que l'aspect tendresse, c'est pas vraiment là. Je parlais de Il était l'aspect pas genre... non plus! Je parlais de l'aspect mouvement latéral, là, mais genre... OK. Sure. Yark! Bon, maintenant qu'on a dégoûté... C'est un genre d'hyperbole bizarre, là. C'est... Maintenant qu'on a dégoûté tout notre auditoire... Hey, Julinique, il est full d'accord avec nous autres. Il est pas juste moi qui ai mes parents garochaient des pleurs de patates dans le poêle. En fait, yeah. Julinik se reconnaît vraiment dans le podcast parce que là, il est comme mon père faisait ça avec les patates puis ma mère avec les cocombes. Fait que c'est comme. Mais mes parents là, coupent leurs cocombes en là, j'espère julienne juste qu'il aussi, va là. Pas nous répondre. Ah oui, puis mon grand-père aussi avec le lichage de face. Comme là, je suis comme, non. Oh non. Mon grand-père liche les oracles. Bon, ramoneur, il ramone la cheminée dans le sens de la longueur. Avec sa langue. La vaseline. OK! Ouais, on est donc bien parti à soir. Ouf! Hey, j'ai dû boire trop de thé, moi, là, ou je suis fatigué, ou je sais pas. C'est moi qui prends le tequila au café, comme... hein. Je vais juste le rappeler à tout le monde. En plus, j'ai genre possiblement une autre anecdote de lichage par rapport à mon travail, puis je suis comme, je sais pas. Je sais pas si je veux derail le podcast. Mais là, vas-y, là! Trop tard! Je vais te derail le podcast encore plus. Mais en tout cas, je travaille avec les rats cette semaine. Ça commence bien! J'ai appris, je savais pas que les rats étaient sécotrophes. Donc, comme les lapins, ils font caca une fois, puis après ça, ils leur bouffent, puis ils leur digèrent, puis ils leur font caca. Fait que, comme, j'étais avec ma collègue qui était après me montrer comment faire, puis comme toutes les... Ah, pour moi, elle avait juste jamais remarqué qu'ils faisaient ça, là. Mais toutes les deux, avec horreur, on voit une petite madame rat prendre son caca, puis l'approcher à sa bouche, tu sais. Puis là, toutes les... Comme, c'était vraiment une scène, là. Toutes les deux ensemble, on est comme... Elle va pas faire ça, j'espère. Elle va pas faire ça. Puis on est comme, elle va se rendre compte. T'sais, elle va s'en rendre compte que c'est du caca. Elle va s'en rendre compte. Puis après, elle prend une bouchée. On est comme, elle va reprendre un autre juste pour être sûr. Juste pour être sûr. Puis après, une autre bouchée. Puis elle fait juste continuer à manger pendant qu'on regarde avec horreur. On est comme, caca, non! Donc, bref, après ça, j'ai fait une recherche Google. Puis j'ai réalisé que c'était un comportement normal. Ah, phew. Mais t'es pas pour y enlever, là aussi, là, sans te poser de questions. Faut pas se poser comme de ruiner non. L'expérience. Non, c'est ça, on avait juste tous les deux la face devant la cage à faire « Non! » Mais tu sais, c'est ça, on disait « Es-tu trop stressé? Est-ce que c'est notre présence qui la dérange? C'est-tu un problème? T'sais? C'est-tu un comportement problématique? Ou c'est... Non, pas du tout. Mais en tout cas, j'étais sur Reddit à regarder les gens qui étaient comme « Non, non, mais c'est un comportement parfaitement normal. » Puis il y avait juste quelqu'un dans les commentaires qui était comme « Mais là, mes rats à la maison, je les laisse me donner des becs? » Dun, dun, dun. Je trouvais ça vraiment fucking drôle. Voilà. C'est juste ça. Parce que j'imagine que la personne est comme... Puis là, le petit rat, il est là. Puis là, t'es full content, tu sais. Quand je fais ça, puis que mon chat vient mettre son front, je suis toute contente, tu sais. Ouais. Okay. Il y a quand même beaucoup d'animaux qui sont comme ça quand ils sont petits, entre autres. Là. Puis ah, la oui? plupart vont le perdre après. Mais parmi les exceptions, je pense qu'il y a comme nous, puis les cochons, nous autres. Apparemment, notre stuff est pas mal plus dangereux. Puis ben, celui des cochons, c'est connu, là, du purin, c'est dangereux. Comme, je suis pas trop sûr pourquoi, mais je pense que la flore qui pousse dedans est pas la même. Puis... Ben non, mais on est peut-être juste fait pour digérer tout d'une shot aussi. Là, je sais que les lapins, puis même les rats, c'était comme débattable là, sur Internet. Le monde avait de l'air pas sûr, mais tu sais, j'ai checké Reddit au lieu de checker comme une vraie source reputable. Ah, mais ce qui est le fun ça, sur les Reddit, rats, c'est que les gens se relancent énormément. Fait que des fois, ouais. ça te donne plein de sources puis plein de questionnements. C'est vrai. Mais en tout cas, je sais que les lapins, comme si tu les mets dans une cage avec une grille en dessous puis tu les laisses pas manger leur premier caca, ils seront pas en forme. Ils seront pas capables d'absorber leurs nutriments. Comme c'est super important, là. Ça fait vraiment partie de la phase. Mais j'ai l'impression que c'est un peu comme la vache qui va. C'est comme ruminer. Ouais, c'est ça. C'est ça. Comme ruminer, mais au lieu d'avoir quatre estomacs, t'en as juste un, tu fais juste plusieurs passages. J'ai l'impression que c'est ça. Bref, ça m'avait bien fait rire de pauvre gars sur Reddit qui est comme « Mais mes becs de rats... » Puis là, comme, honnêtement, si vous avez des rats à la maison, je pense vraiment pas que leurs becs sont... Parce que c'est vraiment clean, un rat. C'est super propre, là. Tu sais, je les observe pendant des heures, là. Puis comme la moitié de leur temps est occupée à se nettoyer. C'est sûr qu'ils ont pas grand-chose à crisser dans leur cage, là. Mais genre, ça se lave tout le temps, tout. Fait qu'inquiétez-vous pas. Des rats, c'est propre. J'avais cru comprendre que malgré les apparences, les coquerelles aussi, c'est surprenamment propre. Et en Ah fait, ouais. c'est tellement propre que si tu touches à une coquerelle, ça se peut qu'elle trouve ça dégueulasse puis qu'elle veuille se laver. Ah, les rats sont pareils. Aussitôt que t'es manipulé, là, t'es remis dans la cage après pis sont comme « Alright, shower time! » Fuck off. C'est juste drôle que les c'est vraiment coquerelles drôle. Nous trouvent dégueulasses fait qu'ils se lavent quand ils Ouais, nous ça ont touchés. c'est curieux parce qu'ils ont pas comme beaucoup de brain power, fait que ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui leur indique que genre il y a un contaminant. Ben, sont équipés pour vivre dans des milieux contaminés, fait que nécessairement ils ont des façons de se protéger. Oui. Bizarre comment tu vois ça se nettoyer souvent aussi une mouche, tu sais. Oui. Ben peut-être que ça mourrait, genre. Puis les ratons laveurs. Ouais, le raton Peut-être que laveur qui c'est lave tout. des comportements de justement, ils mangent des affaires un peu weird, fait que en les lavant souvent. Ben, ça a l'air que pour les ratons, c'est plus ou moins un mythe, finalement. C'est comme ils frottent les choses, mais ça les nettoie pas vraiment. C'est juste Ils une mettent pas dans habitude. l'eau. Pas toujours, Non, pas tout non. le temps, surtout s'il n'y a pas d'eau, là. C'est ceux qui vident les poubelles, ils vont pas aller chercher, genre, une piscine, vider la poubelle dedans, puis faire leur lavage. Et ça Et... serait terrible. Ça serait vraiment très drôle. Ouf. Fait que là, On pourrait parler de jeu, là. Bon, on pourrait. c'est ça. Hey, J'en ai joué. surtout que j'ai comme beaucoup de jeux d'accumuler, là. Oh yeah. Fait que je peux vous donner des choix. Comme Ah, mais j'ai là, de joué quoi tu veux à parler? Will. Hein? Ben, vas-y avec ce Okay. que tu veux parler, je J'ai pense. joué Vas-y. à Wilmot's Warehouse. Ah, je voulais jouer, j'ai pas fait encore. J'ai joué à Spiritfarer. Yay! J'ai joué à Among Us comme l'entièreté de la population, semble-t-il. Ah, je l'ai pas essayé. Moi non plus, mais là, comme mes amis sont comme, ben là, viens jouer avec nous autres, fait que je suis comme, faudrait que j'essaye. J'ai joué à Strange Telephone, à Love Ouh! Link, à Space Gardener, puis à Into the Breach. Holy shit! Oh, Into the Bridge était gratuit, genre la semaine passée, c'est-tu? Non, ça fait longtemps. Ah, pas vrai. Mais Peut-être il est que oui, en revenu. fait, peut-être qu'il est revenu Ouais. gratuit. Parce qu'il y en a qui commencent à revenir, les jeux de Epic Game Store, parce que, ça, comme Abzu, je l'avais déjà. Cette semaine, c'est Abzu puis un jeu de gun. T'avais dit un jeu de gun sur Discord, j'étais comme bon, Narf qui pense encore que tous les jeux en first person c'est deux jeux de gun. Là, je regarde le jeu, je suis comme oh non, ça c'est un nasty jeu de gun. C'est genre la guerre du Vietnam. Ouais, c'est de ça, gun. C'est genre Soldiers J'suis Vietnam. Comme... Ok, ouais, non. Ouais, non. Il me semble que dans les films de guerre de Vietnam, comme il n'y avait pas assez de balles pis de guns, fait que là, tu vas jouer comme le soldat qui a été chanceux pis qui a ramassé les balles de tout le monde. Non, peut-être que c'est full limité. Je sais pas. Il y a 8 mitraillettes. C'est un jeu multiplayer. Tu vas, c'est y sûr avait... tu vas tirer du gun en tabarnouche. Dans le trailer, il y avait des balles. Fait que là, tu tenais la balle avec ton doigt puis tu laissais le gun partir vers le soldat ennemi. Puis là, après ça, tu remettais un autre gun sur la balle. Là, tu tirais des guns. Tabarnak. Ah, OK. C'est ça le Vietnam. Je sais, j'étais là. C'est quand t'as un AK-47 qui arrive vers toi, genre nose first, à 95 000 à l'heure. C'est sûr que ça fait peur. J'aime bien le bout que tu mets un autre gun sur ta balle. Ben oui, il faut que tu la recharges. Est-ce que tu l'as tenu avec ton doigt? C'est comme t'as rentré ton doigt dans le trou du gun, puis là t'as tiré. Puis là, le gun, il est parti de reculons parce que... ben parce que t'es Chuck Norris, tu sais, puis ton doigt, il comme... Piu, piu! Il résiste. On sait que Narf, il fait beaucoup de tirs parce que pour lui, le canon, il appelle ça le trou. C'est là que tu vois qu'il connaît ses pièces pis tout. Ça, c'est très drôle. Faudrait jouer à... Je pense que ça s'appelait Recorder. C'est un jeu indie de tirage de gun. Mais... Ou Revolver 8. Une affaire de même. Ah, ça me dit quoi, ça? Je pense qu'à Waypoint Radio, il en a parlé. Avec des mécaniques beaucoup trop fucking réalistes, tu vois? C'est comme... C'est un jeu de first person tir du gun, mais comme faut tout que tu manipules le gun comme un vrai. Fait que tu sais, comme faut que fait tu que tires long. La petite clenche, tire la patente, rentre le gaga, clique le gugur, mets la clenche, enlève la sécurité. T'sais. Là, je dis n'importe quoi parce que j'ai aucune idée comment ça marche, là, mais comme toutes les étapes, faut que tu fasses tous les boutons sur ton clavier, puis c'est pas juste comme. Tu glisses ton doigt sur le clavier pour faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, c'est comme... Ou t'as la souris. Je sais plus exactement comment ça marchait, là, mais c'est comme Cooking Mama tirer du gun. Mais c'est ça que j'allais dire. La recette au complet, c'est pour tirer une balle ou cinq balles, puis après ça, faut que tu reload, puis là, ben, reload-les pour vrai. Sauf dans Cooking Mama, le meurtre, il a déjà été fait. Tu sais, c'est la viande que tu vas cuisiner. Sauf dans ton jeu, là, va falloir que tu le fasses, mais après. Je suis pas capable de trouver le nom du jeu, mais ouais, c'est un petit quoi, là. Ça a l'air intéressant. C'est ça un fait peu... longtemps. C'est le fun de pogner un concept, puis comme le mettre le plus compliqué possible, genre. Mm-hmm. C'est comme les gens qui jouent à des jeux de méca, qui ont le board complet. Ouais! Oui. Pour jouer à Mech Assault, je trouve ça vraiment nice. Je veux tellement l'essayer un jour. Puis j'étais allé à GDC, puis il l'avait en démo. Mais il y avait une fucking file d'attente. Super mais, longue. On dirait que moi, je comprends pas comment ça peut valoir l'investissement, genre. J'ai un ami qui vient de s'acheter deux joysticks pour jouer à Elite Dangerous, puis à Star Wars Squadrons, puis... Pis je suis comme, c'est très cool, puis il y a un casque VR aussi, fait qu'il y a genre deux rôles stick. Wow. Mais je commencerais vraiment bien trop de comme, tu sais, non seulement c'est beaucoup de... Mais il y a juste pas un très gros éventail de jeux que tu mets là-dessus, genre. Puis encore ouais, là, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui sort. Comme, mettons, avec Rogue Squadron, il y avait un problème de compatibilité avec les joysticks. Fait que ça, c'est sûr, comme, non seulement quand il y a des jeux, puis en plus, quand il y en a, ils sont pas nécessairement faits pour le truc que t'as, tu sais. Comme, c'est too much engagement ouais, pour moi. C'est particulièrement gossant. Mais, tu sais, il y a des gens qui voient pas ça de même. Le problème que tu mets là, c'est comme si tu dis, là, j'ai acheté comme tout un set de golf, il y a plein de bâtons dedans, mais il n'y en a aucun que je peux jouer au hockey avec ou quoi que ce soit. Comme, c'est plus ou moins utile, un set de golf. C'est comme... Il y a des terrains de golf dans, comme, la majorité des grandes villes, I guess, là, mais right, ouais. Il y a plusieurs terrains. Je comprends ce que tu veux dire. Peut-être une mauvaise comparaison. Mais il y a pas... Mais tu peux pas jouer au hockey avec ou au non, baseball. Non, c'est sûr. Je trouve qu'il n'y a pas tant. Mais comme peut-être qu'il y a plus de jeux que je pense. puis que je suis juste pas au courant parce que c'est des jeux super niche pour les gens qui ont des joysticks. Ah, ben moi j'avais joué à X. Je pense que ça s'appelait juste X. X, là. OK. Genre X2, Sur quelle X3, X4. console? Sur ordi. C'était injouable. C'était Pas injouable. X-Wing, peut-être? Non, non, non, non, non. Juste Juste X. X. C'est Parce un qu'il y a jeu un jeu. d'exploration d'espace, là. C'est comme OK. un Ça se ancêtre de peut. Elite Dangerous, mettons, là. C'est ça que c'est comme c'est reconnu par les fans du genre. Mais comme c'est injouable. T'as comme 14 pitons pour faire quoi que ce soit. C'est comme pas vraiment bien expliqué. Fait que, tu sais, moi j'ai pas de problème à avoir comme un gros setup compliqué avec plein de boutons ultra réalistes si le jeu comme me donne le training pour le faire. Que je vais faire comme OK, c'est cool. Comme je pense que le jeu de. C'est un jeu de Xbox 1. Le Xbox original, le jeu de mecha avec plein de pitons que je voulais essayer à GDC. C'est comme, il y a un fun à avoir. Puis, aussi, tu sais, Anne-Marie, tu dis genre, ah, ben c'est quoi le trip de s'acheter de quoi avec 1 million de pitons? Tu sais, c'est un peu comme les musiciens qui s'achètent des claviers ou des contrôleurs MIDI avec plein de boutons, puis de joystick, de sliders, puis de petits pads, puis de petits cossins. C'est parce que, ben, c'est mieux pour jouer. Mais c'est C'est compatible mieux avec pour. toute leur musique. Mais c'est, ouais, c'est ça la différence. Ouais. C'est effectivement la différence. On dirait que c'est ouais, c'est la compatibilité que j'ai. En tout cas, mais tu sais, c'est ça. Je suis juste pas assez une vraie, là. Mais c'est genre, on dirait que tout me fait peur parce que les jeux à cette heure, comme c'est tellement genre, tu sais pas s'ils vont avoir une patch qui va tout chier. Tu sais pas s'ils vont arrêter le support pour le jeu parce qu'ils en font un nouveau sur une nouvelle version que tu pourras peut-être pas jouer. Comme, on dirait que ça me ferait peur d'investir tout ça. Puis de réaliser que ah ben le jeu sera plus supporté ou tu sais. Ah oui, mais comme, tu sais, honnêtement, il y a un trip de l'essayer comme dans une arcade, il y a un trip de l'essayer comme dans un événement comme à GDC ou dans Oui, quelqu'un. c'est ça. C'est quelqu'un, mais j'achèterais jamais ça. C'est comme, c'est tellement contre mes valeurs Ouais, de ben ouais, il y a ça minimaliste et aussi de là, j'achète le moins mais d'affaires possible. même Ouais, à ça, c'est. je suis comme c'est intense. C'est pas comme une Yeah. nouvelle console, parce que genre, t'sais, tout ce qui va sortir sur la nouvelle console, tu vas pouvoir le jouer, t'sais. Là, c'est juste comme vraiment fucking spécialisé, là. Mais, that aside, les esti grosses consoles avec un espèce de grosse clank pour genre starter ton mec, puis un paquet de pitons, puis un paquet de sliders, c'est cool, là. C'est sûr que c'est Ça. cool. Puis Moi, avec un l'affaire qui petit me fait display. capoter, c'est j'avais appris ça dans le temps, là, que si comme tu te faisais détruire puis tu n'avais pas le temps de peser sur Eject, tu perdais ta game. Oui. Of course. Oui. C'est pas permadeath si t'as réussi à t'éjecter. Oui. Mais si t'as pas réussi, t'es mort. Mais c'est quoi? C'est que les autres mechas, ils ont genre un code d'honneur qui fait qu'ils gunnent pas les escape pods, genre, je sais pas. Ouais, Ben, le on escape considère que pod, ton escape, il est efficace, là. il y a une fusée, il y a une fusée et un hélicoptère pour t'amener loin du champ de bataille. Ah, ok. Puis là, ça serait hot que là, quand tu t'échappes, là, le jeu dit comme, OK, sors ton deuxième panneau de contrôle, c'est le panneau de contrôle pour contrôler l'escape pod! Ah non, dans le fond, ce qu'il faudrait que ça fasse, c'est que quand ton méca il se fait détruire, il y a quelque chose qui short ton panneau, puis il faut que tu en rachètes Oh, un. tabarnak! Il y Ben, a j'étais comme pas sûr si des c'était ça switch qu'il fallait. Knox dedans qui font que ça pète des micro-fuses, puis là, il Ah marche plus. mon dieu. C'est comme les board game Legacy, là. Que genre, t'écris ces cartes, puis tu peux plus jamais rejouer avec, là. Mais au Pareil, moins mais en mettre pas beaucoup de mal plus cartes. polluant. Pour jouer la dernière mission, I guess. Je pense qu'il est cool dans ces gros jeux-là aussi, c'est que t'as comme des bris dynamiques qui vont arriver à ta machine, là. Fait que ça se peut que t'aies comme un côté, tu perds un côté, mais tu continues de te battre de l'autre bord, puis tous tes Oh pitons, ils shit. font rien du côté gauche, mettons. Ben, c'est sûrement pour ressentir la panique de l'opérateur qui est comme fuck, qui pèse ses pitons puis ça marche pas. C'est quand C'est même très vraiment cool, cool. là. Ouais. Ah, oui, il y a des affaires de même. C'est comme quand tu commences une mission, faut que tu fasses le launch sequence. Tu fais pas juste comme peser en avant pour avancer. C'est comme non, non, non, Ouais. non, C'est non. sûr qu'il y a une Faut que grosse tu crinque. allumes le mecha. Yeah. Il y a 8 pitons à peser dans le bon ordre. Puis là, comme tu revoles dans la boîte, puis là, comme oui, il pleut, puis là, tu vois rien. Puis là, c'est comme ben là, allume tes essuie-glaces. Tu sais, il y a un piton sur ton dash pour ça. T'allumes les phares, t'allumes les Oh my essuie-glaces. god. Bon, ok, là, on va voir. Allez, on avance. C'est comme Malade. Coop. Ben non, Coop, c'est un peu trop. Fait que ça. Je sais pas. T'as les. Ça serait drôle, par exemple, un panneau de Mech Assault avait juste comme quatre gros pitons, pis. Là, faut C'est que tu comme ça que t'avances. squappes, yo, ouais. Dans les... Mais là, je suis même pas en train de parler des jeux que j'ai Non, mais joués, là, on là. parle de Mecha, tu pourrais parler de Into the Breach pour faire un bon C'est segue. probablement celui que j'ai joué le moins. Ah, shit. Ok, on Mais s'en prendra. moi, je Mais je voulais trouve en que ça a l'air. parler Fais-le. d'Among Us. Oui! Mais fais Breach, Ouais, non, on va faire puis Among Us, c'est vrai, parce que c'est super fais-le. populaire, là. On va expliquer c'est quoi pour ceux qui savent pas, puis qu'ils en ont entendu parler, mais qui savent pas. Puis C'est qui ont comme vu le toutes les mimes. loup-garou. Ma cousine m'est arrivée. Je connaissais l'existence de ce jeu-là, mais c'est ma cousine qui m'est arrivée, qui est un peu gamer, qui m'est arrivée en disant genre, ah, oh, j'aimerais ça, là, faire une game de Among Us avec toute la famille. Oh J'étais shit, comme, ok. Ouais, ben là, pas comme les enfants. ouais. Ceux qui ont mon âge et moins. Là. Pas ma mère. Ok, good. Non, ma mère à Among Us, Mais je sais non. comme c'est probablement plus accessible que je pense. Ma sœur avait de la misère, fait que tu sais. Oh, ok. Fait que Among Us, ben oui, dire que c'est comme le board game Loup-garou, c'est white un peu ça, mais c'est quand même plus ben c'est quand même un jeu vidéo, là. J'espère qu'il y a plus de stock là, parce que genre Hot Take mon loup-garou, je trouve que c'est vraiment comme trop squelettique comme jeu. Ouais, Moi avec j'aime ça. je Trouve qu'il n'y a pas assez de trouve raisons Loup-garou non plus d'accuser j'aime pas les ça. gens au début là. Parce que Loup-garou c'est juste, y a pas vraiment rien pour te donner des hints autres que regarder les gens dans leurs yeux puis comme lire la personnalité. Puis Fait que bullshitter, ça, genre. il y a comme je pense que ça s'appelle Résistance, il y a Avalon avec Merlin puis les chevaliers de la table ronde. Ouais, moi j'aime vraiment mieux celui-là, parce que t'as des missions. C'est ça. Puis Fait que donc, fail, tu peux t'as trianguler. des hints ou Ouais. des manières de savoir qui ment. Ouais, c'est ça, non, j'aime vraiment mieux Avalon. Fait que Among Us, t'as un peu ça. Ok. Mais c'est aussi un mélange avec comme. Ça a un peu une vibe, tu sais, comme dans les films d'horreur, slasher, qui. Tu Ben, sais, c'est il y a comme comme. Alien. Ouais, mais non, mais c'est parce que Alien, tu le sais, c'est l'Alien. Oui, c'est ça, mais là, ça pourrait être n'importe Fait qui. que ce C'est serait comme plus Battlestar comme. Galactica. Il y a quelqu'un qui est un Cylon. Ouais. Ouais. Fait que donc, tu sais, comme. Si t'es un gentil, ben, t'as des missions à faire. Fait que là, tu te promènes dans le vaisseau, puis là, t'as un plan. Ça te dit, va réparer la ventilation, va vider les poubelles là-bas. Puis là, ben, tu t'en vas, puis là, tu fais comme une espèce de mini micro-game à la WarioWare. Pour Ok. faire la vider les poubelles puis des affaires comme ça. Connecter les Mais fils. ça fait quoi si tu le fais pas comme? Ben tu vas jamais gagner. Non? Parce que ton but en étant les gentils, c'est que tout le monde fasse toutes leurs missions. Ah, oh, ok. T'as comme une liste de genre 5-6 missions, là, je Un sais peu pas, comme puis il faut Secret toutes les. Hitler, il y a comme un winning state pour les gentils. Ouais, ben Ok. c'est soit ça ou tu trouves tous les méchants. Ok, je pensais que c'était seulement de trouver tous les méchants. Dans ce cas-là, je trouvais pas de raison pour aller faire les tâches. Non, non, non, ça fait que tu peux gagner. Si tout le monde fait toute leur mission, ben t'as gagné. Quoique, s'il y a un set limité de tâches que tu peux faire, puis genre, juste les gentils connaissent la liste, puis les méchants, il faut qu'ils fassent Hello? semblant. Ah! On a perdu Narf. Je t'entends, Blob. Narf, t'es-tu Bonjour. de retour? Allô? Ah, non, je suis là. Oups, OK. ton vidéo est pas en De même temps que ta retour. voix. Ouais. Tan, tan, tan. Oh non. Ben, anyway, ce que je disais, c'est que s'il y a une liste de tâches pour les gentils à faire, puis les méchants, ils l'ont pas, cette liste-là. Tu peux regarder ceux qui font semblant de faire des tâches qui sont pas sur la liste, je suppose. Ben, c'est ça l'affaire. C'est que les méchants, ils ont aussi une liste, mais c'est une fausse liste. Ils n'ont pas Ok. vraiment besoin de les faire. Mais ils peuvent faire semblant de les faire. Pour essayer d'avoir de l'air. Parce que Pour essayer j'imagine de que si l'avoir tu l'air réel. glandes tout seul dans ton coin, c'est louche. Ben c'est ça. Le méchant, en fait, il y a d'autres choses qu'il peut faire. Il peut faire des sabotages. Comme il peut comme bloquer des portes. Désactiver l'oxygène. Puis là, il faut que les gens y aillent réparer l'oxygène vite, vite, vite. Sinon, ils meurent tous. Ok. Si Puis tu ce qu'il veux peut qu'ils meurent aussi tous. faire, surtout, c'est tuer les gens. Ok. Tuer les gentils. Fait que quand il s'approche, il peut juste comme peser son piton. J'ai jamais été méchant, fait que je sais pas, mais il peut juste peser son piton, puis là, ça tue le gentil, puis là, il meurt. Ça laisse le cadavre, puis là, ben, tu t'en vas comme si de rien n'était. Puis si personne t'a vu, ben, tout va bien, parce que là, le gentil qui est mort, il peut plus parler. Ça marche comment, ça? C'est-tu par voice ou par chat? Si tu fais juste jouer le jeu, pendant la phase d'action, que tout le monde fait leur mission, puis que les méchants ils essayent de tuer les gens ou de saboter, il n'y a pas de chat. Ok. Puis sinon, quand les gentils peuvent soit trouver un cadavre, puis l'annoncer, puis Ok. là, ça va dire à tout le monde, ah, on a trouvé un cadavre, puis là, discuter. Puis là, tu as comme 2 minutes pour chatter Ok. par écrit. Puis sinon, tu peux aussi déclencher un meeting d'urgence pour si t'as besoin, Ok. là. Puis là, tu peux discuter. Fait qu'il y a plusieurs phases. Ça fonctionne par phase, un peu comme Loup-garou où t'as la nuit et le jour, la nuit et le jour. Ouais, genre. Fait que c'est comme si Loup-garou, t'avais réellement des choses à faire, genre te promener dans le vaisseau, faire les mini-games de WarioWare. Puis c'est ça. Okay. Puis c'est ça, normalement t'as pas le droit de parler. C'est sûr que si tu joues en voice, ben là faut que les gens ils Il trichent pas, fait qu'il respecte faut là. pas qu'ils parlent pendant la phase d'action. OK. Puis quand la phase d'action est terminée, ben là tu peux chatter, mais ceux qui sont morts, il faut qu'ils se mutent. OK. J'imagine que normalement tu vas te faire apparier avec des gens au hasard ou est-ce que ben bonne chance pour les trouver de toute façon, sauf que là vous jouiez en famille, fait que c'est pas Ouais, pareil. ben nous on avait créé une room puis on a joué à 5. Fait que À 6. vous pouvez faire du matchmaking entre vous autres. Oh, ben c'est toutes les 6 en même temps, là. Ok. Ouais, à 5 ou 6, c'était mieux de faire Ouais, juste tout le 6, monde en c'était même même un temps. peu limite, là. C'était comme. C'est quoi qu'ils m'ont dit? Ma petite sœur a joué plus que toutes nous autres. Puis elle comprenait mieux le jeu. Je pense qu'elle disait, genre, si comme t'es pas beaucoup, c'est comme trop facile pour les joueurs. Ou pour le meurtrier, je sais pas. Mais tu sais, tu pourrais compenser en mettant 2 meurtriers, mais là, ça serait peut-être un peu trop difficile. En tout cas. Je sais que tu peux en avoir au moins jusqu'à 3 selon la grosseur du groupe, là. Oh shit, Des ouais. fois, c'est déterminé au hasard, là. Eux autres Fait que ont-ils une quand façon de t'es. se parler juste entre eux autres? Sont-ils au courant de c'est qui les autres meurtriers? Ou il peut y avoir du friendly fire de meurtriers, puis t'es comme ah! Je sais pas. Ok. Non, d'après, il me semble qu'il y a comme un petit contour rouge ou quelque chose. Ok, t'es vois, ouais. Ça qui est pas pire avec le fait que ce soit un jeu vidéo, c'est que là, toute l'interface est faite. Parce que Loup-garou, c'est tellement compliqué. Genre, la gestion de toutes les skills de tout le monde. De l'expliquer au début. Ben, aussi, puis que les gens. Ben, déjà, faut que tu trosses que tout le monde garde les yeux fermés. Puis après ça, il y a des gens qui entendent, Ouais. genre, le mouvement des vêtements de la personne d'à côté. Fait qu'ils sont comme ah! Elle a levé le bras pendant la phase de Loup-garou. Alors, faut que tu mettes de la musique forte, là, sinon ça marche pas. Fait que, Ben ben non, oui, nous, on faut faisait ça avec de la musique ah, pour forte, là. vrai? Mais non, Pour c'est le parfait enterrer tous les silence, bruits. puis t'écoutes le DM expliquer l'ambiance, puis te mettre dedans, puis non, Ouais, créer une mais on mettait de atmosphère. la musique pareille. Ah! Intéressant. Je Sinon, connaissais pas ça. c'est ça, ça devient à celui qui a la plus bonne oreille, puis celui qui Ouais. a bougé par accident, puis là, c'est comme, bon, là. Ben, nous autres, on fait le classique, genre tout le monde bouge, tout le monde lève le bras, puis y a une personne qui a, genre, un Le pouce en haut, pouce pouce dans les en airs. bas, ouais. Ah, ouais. En tout cas, il y a Ça, des c'est pas pire. workarounds, là, mais en jeu vidéo, tu sais, Ouais. je comprends un peu que ça soit populaire parce que justement, comme un jeu de social deduction comme ça, avoir une plateforme comme ça, que justement les méchants peuvent voir un petit outline pour se reconnaître, puis tout, bah, c'est bien plus facile, là. Et pourtant, Ah ouais? c'est là la faille principale du jeu. Parce que là, ce qu'on n'a pas dit, c'est que ça a beau être super populaire, c'est en fait un vieux jeu. Pour vrai? C'est sorti, ça fait au moins Ouais. 2 ou 3 ans. Ça vient C'est... pogner en Mais fou ça pour vient aucune juste de raison. pogner, C'est parce que genre, il y a bien un drôle. YouTuber quelconque qui a fait des Ouais, vidéos, puis là, ça a sûrement. explosé. Ok, comme sur Littéralement, là, Twitch. si tu regardes la courbe Wow! de vente puis de popularité, c'est comme zéro ou à peu près zéro, puis là, dans les 3 derniers mois, ça monte à 100%. Ouais, c'est genre vraiment rendu big, là. Ça a l'air que tous les kids y jouent à ça, puis j'arrête pas de voir passer des mèmes partout. Oui, c'est ça, c'est ça. Et malheureusement, étant donné que c'est un vieux jeu qui avait pas beaucoup de budget, qui prévoyait probablement pas en vendre des tonnes, c'est fait par genre 3 personnes. Genre un programmeur, un artiste, un designer, quelque chose comme ça. Ben, mettons que le UI, UX est pas génial. OK. Comme ma sœur, elle disait, ah, oh, je l'ai installé, puis j'ai lu, je l'ai ouvert, puis là, j'ai lu les instructions dans le jeu, mais je comprends rien. Fait que déjà là, en partant, ça va pas bien. Tu sais, il n'y a pas de tutorial. Oh, OK. Tu fais juste te garrocher d'une game? Ouais. Puis là, ben, elle avait pas fait ça. Fait que bon. Fait qu'on essayait d'expliquer. Le UI en général, il est limite. T'as Tu sais, joué sur comme quelle quand plateforme? il. Comment? T'as joué sur quelle plateforme par curiosité? Parce que j'ai vu qu'il est sur téléphone puis il est gratuit, mais sur Steam il est payant, genre, je suis vraiment confuse. OK. Le jeu est sur téléphone, effectivement, Android, iOS, il est gratuit. Oui, Mais es-tu il y a des complet? publicités. Ok. Sur ordi, il est sur Steam et sur Itch. Et sur Switch, je pense. Et il est 5$. Ok. Fait que moi, j'avais joué sur ordi. Ma sœur jouait sur téléphone, je pense. Ou sur ordi. Parce que le Je sais UI plus. il est peut-être pas pareil. C'est le même jeu parce que quand tu joues sur ordi, tu vois que c'est un jeu de téléphone. Ah, oh. D'accord. C'est comme, faut que tu ailles cliquer sur I des see. boutons, puis c'est comme, il me semble que ça aurait été plus simple que je pèse sur un piton de mon clavier. Là. Mais faut que tu ailles avec ta souris cliquer, puis tu contrôles ton bonhomme avec la souris, genre. Ok. En cliquant, comme, je sais pas moi, Animal Crossing, I guess. Fait que pourquoi je racontais ça? Ah oui! Quand le jeu t'annonce au début d'un match, est-ce que t'es gentil ou méchant, ça dure 1 seconde, pis c'est pas super clair. Oh Puis si shit. tu l'as manqué, ben tu le sais pas. Oh shit. Qu'est-ce qui Puis se ma passe si tu sœur, le sais elle le pas? voyait jamais, puis elle comprenait pas. Puis elle était comme, mais là, suis-tu gentil ou méchant? Puis on était comme, ben on peut pas te le dire, on le sait pas plus. Ah non. Fait que tu fais juste Puis tuer du monde jusqu'à ce que tu pognes là, ben, le hein? Ah non, c'est Ben, vrai je parce sais que les pas. gentils Là, peuvent pas on te il disait, tuer. genre, ben, là, ma soeur, elle disait, oh, mais check si t'as un contour rouge, là. Si t'as un contour rouge, t'es un méchant. Puis si t'es un contour blanc, je suis gentil. Puis là, t'es comme, mais là, je vois pas de contour. Ouais. Là, Faut pas que tu le dises. sur ton nom, là, à côté de ton nom, elle dit, je vois pas mon nom. Fait que, Oh t'sais, non. c'était pas. Il aurait pu, t'sais, me laisser une icône dans le coin de ton écran. Il aurait pu au moins, t'sais, il aurait pu laisser le truc affiché jusqu'à temps que tu pèses pour confirmer, genre je l'ai vu. T'sais, il aurait pu faire t'sais, des petits détails comme ça. Puis là, ça a l'air ils vont le retravailler. C'est comme vu qu'il est super populaire, ils vont continuer à le patcher et à développer. Fait que potentiellement qu'ils vont régler ces trucs-là. Mais je sais pas combien de temps ça va prendre si c'est une petite équipe. Fait que ouais. Bah, c'est quand même le fun, un jeu simple, puis Oui, ben oui, en comme tout cas. classique instantané quand même. Mais non, Comme parce le que concept est ça a pris solide. 2 ans. Ouais. Oui, mais comme tu joues puis tu comprends quand même que tu pourrais jouer à ça pour toujours, que ça se démoderait pas tant que ça, là. Ouf. Bon, Ça, je suis peut-être pas pas. sûr. Je veux dire, peut-être pas à Among Us en particulier, mais C'est je veux pas que la dire, même ces gang non jeux-là plus. existent depuis la nuit des temps, puis c'est comme des déclinaisons. Je Ouais. pourrais effectivement voir un studio, un autre studio prendre la recette puis comme le raffiner. Tu sais, comme ça fait souvent, tu sais, comme il y a eu avec les Battle Royale, ben, on est rendu à comme la Fortnite imposteur. cinquième. Ben, c'est oui, genre. Genre, oui. Je serais pas surpris que genre Epic y annonce un mode Among Us, un mode imposteur dans... Aïe, aïe. Dans Fortnite. Ça serait débile. Parce que ça a l'air que les enfants ils jouent beaucoup, là. Okay. Oui. Wow. Oui, et aux deux. Oui, c'est ça. Aïe, aïe. Fait que, ouais, si vous l'achetez, cool. Moi, je recommande de l'acheter sur Itch, parce que, ben, il n'y a pas de taxes. Et, ben, il y a plus d'argent qui va au dev que sur Steam. Cool, et vous pouvez utiliser... Vous pouvez utiliser le launch, le Itch Launcher. Comment il s'appelle? Je pense que c'est le Itch. Il s'appelle Itch. I wish. Il est juste marqué Itch, moi, sur sur mon bureau. Fait. L'application Itch. Ouais, je pense que c'est ça. L'application. Quelque chose de même. Mais c'est cool parce que quand tu le mets sur les attaquants, ça en envoie un à chacune des personnes qui t'ont attaqué. Fait que si t'en as trois qui te visent en même temps, tu un Goomba, ça envoie un Goomba dans chacun de leurs écrans. Les 35? Mais non, juste ceux que tu vises. Mais tu peux en viser plus qu'un? Ben, c'est pas toi qui décides combien t'en vises, mais tu choisis quelle catégorie tu vises, puis ça va viser ces personnes-là. Je pense que les deux premières catégories, ça vise juste une personne. Ça serait comme la plus de coins ou la moins de temps. Mais après ça, si tu choisis les attaquants, tu peux te faire viser par plusieurs personnes. Ça va viser toutes ces personnes-là. OK. Hey, fait que là, c'est un peu un jeu de renvoyer l'ennemi à l'un puis à l'autre. Sauf que le truc, c'est que si beaucoup de personnes choisissent les attaquants, vu que les ennemis se multiplient, il y a comme vraiment beaucoup d'ennemis qui se pitchent. Ouais, ça doit comme plus finir, là. Fait que si tu veux gagner ce jeu-là, faut que tu t'assures d'avoir assez de temps. Normalement, battre un ennemi, ça donne 1 ou 2 secondes. Finir un tableau, ça donne 10 ou 15 secondes. Des fois, ça va être moins parce que tu joues vraiment au Mario classique, normal, là. Rien de trop spécial, là. Il y a des petites modifications au niveau des physiques comme puis pour balancer le jeu, mais sinon, là, c'est vraiment authentique, presque pareil. C'est le premier monde? C'est tout. Ah! C'est le jeu complet? Tu peux jouer tous les tableaux, en principe. Oh shit, je savais pas. Moi, je les ai pas toutes visitées, mais la liste que tu vois pour comme... Tu peux comme choisir ton tableau avant de commencer, là, mais la liste, c'est 4x8. OK. Fait que t'as eu 4x8 carrés, là. Damn. Fait que potentiellement, tous les tableaux sont là. La façon de gagner, c'est de t'assurer d'avoir assez de secondes. Fait que une bonne façon, c'est, mettons, t'as déjà la fleur. Si tu pognes une autre fleur, ça va te donner 15 secondes. Là, tu fais exprès comme de repogner des power-ups que tu n'as pas besoin pour booster ton temps. Mais il faut aussi que tu ramasses un petit peu d'argent parce que si tu te fais toucher, tu as le droit de caler un item pour 20 coins. Là, caler un item, ça va faire 4 affaires différentes, si je ne me trompe pas. Ça peut te donner un champignon, même si tu l'as déjà. Fait que des fois, c'est pas trop bon. Ça peut te donner un bloc power, fait que ça va tuer tout ce qu'il y a sur l'écran. Ça peut te donner une étoile. Pour que tu aies invincible pendant un certain temps, ou ça peut te donner directement une fleur pour pitcher du feu. Nice. Dans ce jeu-là, ce que tu veux, c'est avoir la fleur, comme tout le temps. Parce que t'as plein d'ennemis? Oui. Et quand t'arrives devant une rangée de Goomba pis de tortues, t'es comme pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pis t'en tues 20. C'est le hard mode. C'est, ouais. C'est comme si tu joues à Dynasty Warrior en 2D, là. Oh boy! Wow. Ok. Mais puis comme. C'est super drôle. Le but, c'est-tu comme de finir les tableaux? Y a-tu des fins aux tableaux ou c'est juste comme des arènes? Ce que j'ai pas trop aimé du jeu, c'est qu'au départ, il t'aide pas vraiment à comprendre le principe. Comme tu commences à jouer, puis là, tu te dis, ben ok, mais je vais essayer de finir le plus de tableaux, mais ça fait comme rien. Tu débouches nulle part, puis tu comprends pas dans quel tableau tu t'en vas. Parce que la plupart du temps, on commence sur le tableau 1-1, puis souvent, on s'en va au 1-2, mais c'est pas toujours le cas. La plupart des games commencent comme ça. Puis après ça, là, au 1-2, les gens intelligents ils s'en vont par-dessus le mur pour aller choisir les 3 tuyaux, lequel qu'ils veulent aller. Et là, à partir de ce moment-là, tu as comme une influence, mais les trucs que tu vas voir là sont pas tout à fait au hasard, mais il y a une procédure pour dire c'est quel tableau que tu vas avoir qui s'affiche là. Puis souvent, tu as deux fois le même, des fois non. Ça peut t'amener un peu n'importe où, là. Fait que là, tu sais pas vraiment c'est quoi le déroulement des tableaux. Tu sais pas trop c'est quoi le but. J'ai fini par comprendre que quand il reste moins de personnes, le timer, il roule plus vite. Fait qu'essentiellement, c'est le timer qui va te tuer. Comment tu fais pour que le timer te tue pas? Tu pognes beaucoup d'ennemis, puis tu vas chercher plein de fleurs, puis tu finis des tableaux parce que le drapeau, il va te redonner des secondes. Tu essaies de faire monter tes secondes, mais à un moment donné, le timer, il descend vraiment super vite, là. OK, fait que c'est Donc, comme je la zone pense... qui rétrécit dans un Battle Royale. Et là, c'est le timer qui Ouais. s'accélère. Je pense qu'il y a un moment où est-ce que le timer, il passe 10 secondes par seconde, là. Oh shit. Mais c'est Et quand boy. t'approches du... Quand ta game, elle a dépassé 15 minutes d'une bonne marge, là, ça commence à rouler, là. C'est en ça dans death. Ouais, c'est ça. Ouais, ça... Mais, Ça s'en va vers ça. Fait, comme un joueur qui est comme ultra pro speedrunner, y a-tu un avantage? Ben, je pense que oui, en autant qu'il comprend qu'il doit se donner beaucoup de temps, puis qu'il faut qu'il utilise la fleur. Mais les skills que tu dois appliquer là-dedans, ils sont plus émergents que ce que tu vas faire dans un speedrun. Le speedrun, ça Ouais, va c'est ça. t'aider, mais il faut que tu réagisses à beaucoup de situations bizarres, tandis qu'un speedrun, c'est comme une partition, là. Les ennemis apparaissent tout le temps, même place, même timing, tout est pareil. T'sais. Tandis qu'il y a Là, des ennemis partout. il y a beaucoup plus d'affaires qu'on peut penser qui sont des ennemis valides. Puis quand les gens commencent à t'en envoyer, ça respecte pas la thématique de ton tableau. Ça Oh. respecte ce qu'eux ont tué. Fait que là, si tu es intelligent et que tu as tous les tableaux débloqués, tu peux essayer de commencer dans un tableau avec des affaires difficiles à battre. Par exemple, si tu commences dans l'eau, tu es capable de tuer des poissons, ça envoie des poissons aux autres, même s'ils sont sur Terre. Donc là, ça fait comme le tableau avec des ponts, là, puis les poissons, ils sortent du plancher, puis ils sautent. Oh shit, ok. Oui. Fait que, puis là, eux autres, s'ils sont capables de pitcher des boules de feu sur ces poissons-là, ils envoient des poissons à toi, puis aux autres, puis là, tout le monde se pitche des poissons, juste parce qu'il y a un joueur dans l'eau. Et ça fait ça avec Bowser aussi. Là, t'arrives, puis tu pitches des boules de feu sur Bowser, t'envoies un Bowser à quelqu'un, lui, dans son tableau normal, il veut faire son jump, puis l'autre côté du jump, il y a un Bowser qui protège la falaise. Mais là, c'est pas juste. Non, Mais mais c'est comme ça. c'est pour ça que tu ramasses genre 200 piastres, tu pèses sur item, t'attends, quand t'as une étoile, là, tu y vas. Mais c'est quoi que ça fait faire ça? Dépense 20 piastres, perds du temps. Fait que là, ce que tu fais, c'est que tu essaies d'aller dans un tableau difficile pour battre des ennemis difficiles, pour les envoyer aux autres pour qu'il y ait des problèmes de platforming. Des fois, un problème de platforming, c'est pas grand-chose. Le gars, il s'est fait toucher, ok, petite malchance, c'est pas grave. Mais l'autre côté, sur une plaquette qui est déjà difficile à sauter, t'as mis une plante carnivore. C'est pas toi qui as décidé de la mettre là, mais tu sais, t'as fait exprès de tuer des plantes carnivores qui se tuent juste avec les boules de feu. Lui, il a plus les boules de feu, puis il faut qu'il saute là. Puis là, Mais ça, c'est il perd-tu du fucking temps ou il perd de l'argent? Puis là, parce qu'il prend son temps, ben, ses ressources, ils diminuent plus vite que les tiennes, puis tu gagnes. Puis, mean. si tu te fais toucher puis tu meurs, qu'est-ce que ça fait? Tu recommences? Tu perds du temps? Comment que le jeu Si deal tu avec ça? meurs, tu meurs. Fait que des fois, c'est vraiment chien. Tu joues normal, tu fais super bien tes affaires, puis tu sautes mal. Puis il n'y avait pas Ah. d'ennemis, il n'y avait pas rien. T'as juste mal joué au jeu, là. OK. Fait que ça m'est arrivé tantôt, j'étais comme relativement bien placé. J'avais beaucoup de secondes puis beaucoup d'argent d'accumuler. J'étais prudent, puis d'un coup, je saute mal. C'est ça. J'ai glissé, comme. Mais ça te force à comprendre les tableaux puis à les jouer de façon sécuritaire. T'es comme, OK, à ce bout-là, j'ai pas besoin de sauter de telle façon. J'ai trouvé un truc que si je le fais, j'ai peu de chances de le manquer. Puis s'il y a un ennemi, j'ai des boules de feu, je vais les tirer comme à peu près proche quand je vais atterrir. Tu sais, d'habitude, ça marche. Puis tu commences à penser au tableau complètement différemment. À cause des petits détails qu'ils ont rajoutés, le jeu est bizarrement balancé. Comme ce jeu-là n'a pas été prévu pour être joué de même, puis avec presque aucune modification d'un level, c'est balancé. Comme les tableaux difficiles, ils ont les ennemis difficiles, fait que tu veux y aller, mais tu prends un risque, c'est balancé. Ah, c'est cool. La seule affaire, peut-être, qui ont. Ben, il y a une couple d'affaires qu'ils ont faites pour balancer au niveau des physiques. Fait que ce que je me souviens, c'est que dans Mario 1, quand tu sautes, tombe vite, même quand tu rebondis sur un ennemi. Mais dans Mario 35, ils ont adapté un petit peu la physique. Elle est presque pareille, mais tu rebondis beaucoup plus haut quand tu rebondis sur un ennemi, fait que ça te laisse une chance, tu sais, de te réaligner. Ça ressemble plus à Mario 3 ou Mario World, mettons. Mais tu pouvais, dans Mario 1, il me semble, tu pouvais, quand tu rebondissais sur un ennemi, si tu pesais, si tu tenais le bouton sauter, tu rebondissais plus, il me semble. Ou je Oui, me mélange avec les nouveaux. mais beaucoup moins que dans les autres. Ah, ok. Mais là, ils l'ont comme arrangé, à ma connaissance. Ça file mieux, mais c'est pas pareil. L'autre affaire qu'ils ont arrangé aussi, c'est quand tu pognes une étoile, cours pas full pin, tu cours plus lentement. Parce que ça serait trop fort. Tu Ça passerais à donne pas le travers boost de trop vite. vitesse qui venait normalement avec. Mais t'as pas de boost de vitesse, mais il ralentit ta vitesse de course complètement. Ah, il Ah, ok. ralentit. Pas assez pour que ça t'empêche de clairer des places que tu sauterais et que ça marcherait, là. Mais assez pour que tu fasses pas la charrue sur plein d'ennemis, là. Comme ça court un petit peu plus lent. Je vois. Ou tu sais, peut-être qu'il rétablit ta vitesse une fois que tu sautes, là, je sais pas, mais. Comme ça m'est jamais J'espère. arrivé de manquer mon coup parce que je courais trop lent, mais j'ai remarqué que tu cours plus lent quand tu as une étoile. C'est Puis juste pour équilibrer les affaires. l'unique demande, est-ce que l'écran peut reculer? Parce que dans Mario 1, l'écran ne pouvait pas reculer. Non. Ouais, c'est ça que je pensais. Oh shit. L'écran ne recule pas. Oh, fait que c'est comme Mario 1. OK. Ouais, faut que tu y penses. C'est C'est ça. Keep moving forward. Si tu Huissier. voulais rentrer dans le tuyau, mais tu voulais tuer l'ennemi à droite, puis là l'écran il a trop avancé, tu peux plus rentrer dedans le tuyau. C'est fini. Les secrets sont exactement en même place. Tout est à la même place. Oh. Fait, genre, quand tu connais les tableaux par cœur, ça t'aide. Quand tu pognes une vie, au lieu que ça te donne une vie, ça te donne 20 cents. C'est assez pour un power-up. Fait que quand tu sais son où les vies, tu peux faire exprès comme de choisir souvent les tableaux faciles qui en ont. Ah, nice. Passer dedans. Fait que moi, quand je commence les games, je fais ça un peu. Je me dépêche d'aller dans les tableaux faciles pour pogner plein de vies, pogner plein d'argent parce que je les connais. Puis c'est pas un gros risque. Puis après ça, je vais me choisir un tableau difficile comme celui dans l'eau ou aller faire un château de Bowser pour, tu sais, envoyer la scrap vraiment pas le fun. Tantôt, on était rendu, il y avait plein de bonhommes marteaux partout. Oh non! Les Fucking Hammer hell! Brothers, là, Oh non! partout, ça avait aucun sens. Une Oh. chance que je m'étais gardé comme 200 piastres parce que je passais mon temps à me donner des fleurs, des champignons, des étoiles. Puis, c'est comme si t'es patient et que tu prends ton temps, tant que t'as assez de temps, tu vas battre l'autre. Tu veux juste pas qu'il ramasse plus de secondes que toi à un moment donné puis qu'il te batte. Mais ça fait que deux personnes bonnes et patientes, là, les deux dernières personnes, là, ça peut être long. Ça Ah, peut être ouais. très long avant qu'un des deux meure. S'ils sont Fait que bien c'est pour ça bons. qu'à un moment donné, le temps, c'est comme, ah oui. Ça, j'ai fait une game de 17 minutes tantôt. C'est pas Purée. extrême, mais pour un jeu multiplayer, c'est pas tout le monde qui est prêt à investir ça, puis des fois, c'est surprenant, là. L'as-tu gagné? Non, je l'ai pas gagné. Il y en a juste une où j'ai gagné. Fait que t'as Je fini sais pas deuxième. comment. Je finis C'est pas souvent comment? deuxième. Comment ça, tu Ben. sais pas comment? Je sais pas comment l'autre était mort quand j'ai gagné ma game, mais tu sais, possiblement il Ah, a ok. essayé de sauter quelque part, il a frappé dans le coin puis il a tombé, là. Peut-être. Damn, Mais ça il a sonne peut-être tellement manqué de stressant. secondes. T'es Peut-être. pas capable de savoir combien de secondes il reste aux autres. Fait que tu sais pas trop qu'est-ce que. Oh, il me semble que quand il en reste juste toi contre un autre, il devrait mettre les secondes. Mais ça permettrait peut-être de gauger qu'est-ce que tu fais. Ben ouais, parce que ça C'est rajoute un ça. niveau de stratégique. Ça va faire que lui qui est derrière, il va jouer avec plus de risques, puis lui qui est devant, il va jouer avec moins de risques. Je sais pas, Ouais. ça peut allonger les games ou raccourcir, ça dépend. Ça dépend c'est quoi ta force mentale. C'est quoi tes choix stratégiques? Tu sais, tu peux. tu sais pas ça va être quoi le prochain tableau des fois, là. Tu vas traverser, t'es comme, ok, je me dépêche pour pogner le drapeau puis avoir du temps. Là, tu te retrouves dans une espèce de tableau que c'est super long parce que ce tableau-là, tu le connais pas bien, il y a des espèces de sauts mongols puis l'autre, il te pitche trop d'ennemis. Fait Ah que là, ouais, faut que t'attendes, tombe en bas des plaquettes. le monde de 6-7, là, c'est sûr qu'on connaît moins, là. Ouais, c'est ça. Mais même ceux-là, les gens sont habitués de pogner le raccourci, hein, le deuxième tableau. Fait que deux, trois, on les connaît, mais pas tant que ça, là. Ouais, Tout c'est le monde ça. saute au quatre. Ben oui. Évidemment qu'on sautait au 4, c'est comme, mais là, on se rend plus loin. Ce qui était fucking tough. Mais tout est un ennemi, là. Les bonhommes à pic, la qui tue, qui les pitch, c'est un ennemi. Si t'es tue, ça les envoie. Les fleurs, je l'ai dit, les boulets de canon, c'en est. Fait que là, Même, tu... il y a Ah, des mais les boules boulets de de canon. feu dans la lave qui sautent, ça compte. Si t'as une, What? c'est juste avec une étoile que tu peux les tuer, mais ça va les envoyer aux autres. Oh my god. C'est mean. T'as une petite timeline en bas, t'es capable d'avoir une map de c'est quoi les prochains ennemis qui s'en viennent. Oh. Fait qu'il y a quand même ça, tu peux regarder en bas pour faire comme, oh shit, il y a deux Bowser, qui okay, je vais prendre mon temps, je vais la pogner, la fleur qui est ici, là, j'en ai vraiment besoin. Ah, c'est une timeline de ce que le monde te pitch, pas de ton niveau, là. Ouais, c'est ça, Ok. c'est les ennemis, ils se pitchent en avant de toi sur ton espèce de ligne. Toi, tu as comme un rectangle qui représente ton écran que tu vois, puis tu as comme l'équivalent de deux écrans plus loin où est-ce que les gens ils peuvent t'envoyer les ennemis. Fait qu'ils ne te les envoient pas en real time sur ta face. Ok. Ça veut dire que si tu sais que quelqu'un aurait 200 secondes, puis qu'il a décidé de juste aller se caser quelque part, puis toi, tu en as 500, pourrait descendre dans le tableau bonus, puis rester là. Comme il y aurait pas d'ennemis qui iraient te voir là. Parce qu'ils apparaissent tout plus loin, puis toi tu vas pas plus loin. C'est C'est ça, faut que tu avances. ça? C'est juste que là, si tu vas vraiment te caser à quelque part, l'autre, ben, il a juste à jouer tranquillement puis à tuer des ennemis, puis il va se ramasser plus de secondes que toi, là. Fait qu'à un moment donné, tu vas arriver à zéro avant lui. Mais théoriquement, tu pourrais comme te cacher à quelque part. Mais ça, c'est pas clair nécessairement au début, genre que. Peut Tu vas manquer camper du à temps. Mario. Ouais, c'est weird, hein? C'est si Mais bizarre. tu peux, mais c'est une très mauvaise stratégie, là. Ça va pas marcher, là. Ok. Faudrait que tu joues contre quelqu'un comme qui a décidé de pas jouer lui aussi, puis t'étais premier, là. Comme, oh, on laisse les timers descendre, puis c'est le hasard. Personne va faire ça. Mais c'est ça. J'ai eu bien du Cool. fun. C'est inclus dans l'abonnement de Switch pour ceux qui ont Switch Online. Ouais, c'est gratuit. Hein. C'est pas malotte. C'est Ben, juste gratuit. quasiment triste que ça part. Ouais, non, c'est gratuit, c'est inclus. C'est ça, c'est pas vraiment Ouais. gratuit. C'est important de le dire. C'est juste C'est weird que gratuit ça quand tu part. t'abonnes. Dans un abonnement. Mais ça C'est fait gratuit partie des sur perks. Netflix. Ouais, c'est ça. L'abonnement de Switch, c'est le moins cher de toutes les Ouais. consoles qui ont des abonnements. Puis il y a des bonus pas mal cool. C'est combien? C'est 5 $ par mois. Canadien ou US? Pas sûr. J'ai peut-être un peu de taxes dessus. Mais Je me t'as tout souviens t'as pas. accès à tout le Virtual Arcade aussi, là, tous les vieux jeux de NES puis de SNES. Ben, tout c'est vite dit, mais il y en a vraiment beaucoup, là. Non, mais tous ceux Comme qui ont mis, je veux Adventure of dire. Lolo. Ah oui! Puis il y a une couple de jeux importés auxquels tu as accès. Je pense que si tu changes la langue de ta console, tu peux en avoir encore plus parce que celui au Japon est un petit peu différent, mais tu as quand même des trucs importés. Comme je dis, là, il y a une couple de jeux qu'on n'a pas eu ici, puis mettons des jeux de puzzle, puis ça dit, ben écoutez, on les a mis dans leur version originale, là, il n'y a pas vraiment de traduction, mais tu sais, c'est un jeu de puzzle, là. Tu gosses dans les menus, tu peux partir le jeu puis commencer à jouer à Puyo Puyo, là, puis tu vas être correct. Il y avait quoi aussi? Star Fox 2, il est dessus. C'est un jeu qui n'est jamais sorti. Mais c'est drôle parce que ça, il était. C'était un jeu de. Star Fox 2, c'est sur Super Nintendo. Ouais. Il y Ils ont a. fini le jeu, mais il n'a pas sorti. Mais il l'avait pas mis sur la console Super Nintendo Mini? Ouais. Oui. Effectivement. Fait que là, ceux qui se sont garochés pour acheter une Super Nintendo Mini, dans le fond, ils peuvent juste jouer sur la Switch avec Ouais, mais l'abonnement de toute moins façon, ça faisait longtemps qu'il avait leaké sur Internet, là. C'est sorti un an plus tard cher. aussi, là. Ils ont eu le temps de vendre des SNES Mini comme des petits pains chauds puis qu'il n'y en ait plus. C'est vrai que de toute façon, ils les ont toutes vendues. Fait que c'est que ça change. C'est comme Même. 50-60$ par année canadien, by the way. Le Ok. Nintendo Switch Online. Fait que. Quoi je voulais dire? Ouais, Star Fox 2 en plus, je sais pas si lui en particulier, mais j'ai tendance à penser que oui, là. Il y a pas mal de jeux sur le SNES Mini que. Ils ont comme des preuves que les ROM ils ont été trouvés sur des sites de ROM. Fait que Oui. probablement. C'est pas Nintendo qui les a ripés de genre de leur librairie. Ils ont téléchargé des sites qui ont fait fermer finalement. Ouais, c'est Ah, ça, c'est vraiment. insultant. Ouais. Mais c'est pas nécessairement Nintendo in-house, là. C'est genre Nintendo, ils ont demandé à quelqu'un de leur produire ce cossin-là, puis il y a eu quelqu'un sa team, puis il y avait le Ouais. contrat de faire ça, là. Ils l'ont Puis ils sont. contracté. Puis en fait, est-ce Puis qu'on le fait comme lui, c'était ça faux? sa solution, là. On le fait comme faux ou on va le chercher sur Internet parce que ça va nous coûter moins cher, puis on va juste prendre le cash puis rien dire. Fait Ah, que, mais ouais, Star sauf Fox 2, ça Nintendo, ça faisait rendra pas longtemps qu'il compte. était sur Internet. Celui que vous avez dans votre SNES Mini, c'est probablement le même qui était sur Internet. Encore plus insultant. Mais, en tout cas, il est inclus dans l'abonnement de Switch. Je crois qu'il y avait d'autres de cool. Mario's Picross, oui, il y a un Picross de Mario où est-ce que tu fais des sprites de Mario de l'ère Super Nintendo et c'était pas sorti ici. Je Ils l'ont c'est dû la seule l'avoir. raison pour laquelle j'ai envie de m'abonner. Je le ferai probablement Pour pas parce jouer qu'il est à super Mario assez. Picross. Ouais, ben oui, parce que T'es sur Picross quelle is live. console? Genre la NES ou Super la Nintendo. SNES. Ouais. Super Nintendo. Mais ça a jamais été Fait que t'as localisé. Ben, de. il est pas localisé non plus, là, mais tu sais, comme, si tu sais jouer à Picross, tu sais jouer à Picross. Hein. Fait que les images que tu fais, c'est les images comme la face de Mario du Super Nintendo. Pour ceux à qui ça parle, là, tu sais, si t'as commencé à jouer sur cette console-là, comme moi, c'est comme. Ça ajoute quelque chose. Ben oui. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'allais dire? Il y a des Je versions vois. spéciales aussi de certains jeux, surtout sur le NES. Des fois, c'est le fun. Tu peux jouer, mettons, à Metroid spécial. Fait qu'au lieu de commencer Metroid normal, puis que c'est super dur, puis super chiant, il te donne déjà comme plein d'items. Ah, ok. Fait que si t'as jamais joué, tu veux juste savoir de quoi ça a l'air, c'est comme si ton pré-mis des cheats, genre, ils t'ont comme Ok. unlocké des choses, puis là, tu peux commencer la game, mais t'as déjà plein de missiles, puis des tanks de vie. Ça peut être une bonne façon de combattre le fait que les gens émulent pour pouvoir cheater. Ouais, je suppose, Pas mais fou, c'est là. aussi que je pense que Nintendo réalise des fois qu'ils font des jeux qui sont trop difficiles, puis ils mettent un Ouais, surtout espèce dans de le temps. façon de skipper les tableaux, fait que je pense que c'est dans la même optique un peu, là. C'est comme, voici notre vieux jeu super difficile, les temps ont changé, voici une version un petit peu plus facile. Mais c'est le fun qu'ils reconnaissent que les temps ont changé, puis qu'au contraire, ils soient pas comme « Oh non, mais notre jeu, il était parfait, puis on y touchera pas, puis t'sais. On sait qu'il y en a beaucoup qui font ça, hein? Pour plusieurs de ces jeux-là, c'est que tu commences un peu la game plus tard, si tu veux, avec déjà des affaires d'unlocker, là. Ou j'ai pas essayé, mais il y en a un pour Zelda, fait que possiblement quand tu pèses dessus, t'es déjà à la deuxième quest, là. Parce que dans le vieux Zelda, il y a une deuxième quest où est-ce que les donjons sont changés de place puis sont tous mélangés, là. Mais il y avait un cheat pour ça. Oui, tu pouvais juste comme mettre que ton nom c'est Zelda puis ça le faisait, là. En vrai, c'est bien drôle. Ce qui a Sinon. perpétué la légende comme quoi Link s'appelait Zelda. Ouais. Mais Ouais, quand je tu sais pas, le finissais monde le qui jeu, dit ça doivent normalement, pas tu savoir, pouvais là. faire une New Game Plus où est-ce que ça faisait ça, là. Ouais. Nice. Puis c'était particulièrement cave. J'étais bloqué à une place que genre fallait que je traverse un mur. Mais tu sais, comme dans les jeux où est-ce qu'il faut que tu traverses un mur, d'habitude, là, c'est comme si le mur, il était pas là. T'sais, tu traverses le mur, c'est comme, OK, ce mur-là, genre, il a l'air d'avoir de quoi, là, tu te frottes dessus, puis là, ça passe au travers. Dans celui-là, fallait que tu devines, genre, OK, ce mur-là, je peux peut-être passer au travers. Quand tu fonçais dedans, ça marchait pas. Fallait que tu pousses dedans pendant une seconde complète pour que ça fasse comme, ah, oh là, ça passe. Ah, c'était un pushable block. Ça ressemblait à ça. Les pushable Genre. blocks, ils étaient tous comme ça. Il fallait que tu les pousses un petit peu longtemps avant qu'ils poussent. Ouais, mais là, il n'y a pas de bloc visible qui bouge. C'est juste Ouais. comme tu pousses dans le mur, puis tout d'un coup, le mur, il arrête d'être solide. Mais si tu pousses pas longtemps, ça le fait pas. C'était vraiment épais. Ben, c'était Zelda, hein. Je Ouais, déteste ce c'était jeu. ça. C'est ça. En plus, ce donjon-là, il était caché genre en dessous d'une statue. Là. Oh, t'as Comme. dit jeu pas possible. Mais ce qui arrive, c'est que Zelda 1, ok, les portes pour aller à des places sont cachées de façon un petit peu stupide, mais un coup que tu les connais toutes, quand tu fais la deuxième quest, sont toutes à la même place. C'est juste qu'ils mènent pas à la même chose. Fait qu'au pire, tu les connais toutes, tu les essayes toutes. Tu vas trouver quelque chose un jour. Là, lui était comme caché à la place d'un magasin en dessous d'une statue qui bouge. Tu rentres dans le donjon comme c'est un donjon dans un trou caché en dessous d'une statue. C'est comme, oui, c'était là qu'il fallait que t'ailles. Tu aurais dû essayer toutes les portes. Puis là, tu restes bloqué. Puis ça a l'air, fallait que tu pousses le mur longtemps pour passer. Parlant de Zelda 1 et de pousser des blocs. En fait, parlant de pousser des blocs, Ok. Ah oui. j'ai joué à un jeu de poussage de blocs. Ça s'appelle comment ça déjà? C'est Euh... un style au Japon, genre? Ah shit, on l'a déjà nommé plein de fois. Là, je me rappelle plus. Un Sokoban. Sokoban. Ah ok, c'est ça, ok. Mais non, j'ai pas joué à un jeu comme ça. J'ai joué à Wilmot's Warehouse, qui est un jeu que tu Ah. transportes des blocs, mais tu transportes des affaires, mais ils sont en forme de blocs. Mais là, tu te fais commander des affaires, fait qu'il faut qu'ils soient bien placés, c'est ça? C'est Wilmot's Warehouse, t'es un petit bonhomme dans un grand entrepôt vide, puis là, tu reçois du stock, puis là, t'as comme 1 minute et demie pour l'organiser comme que ça t'arrange. Le jeu t'aide pas. Il dit pas, si tu devrais les mettre là, tu devrais. C'est comme, mets ça où tu veux. Mais, quand, après ça, le client, il y a des clients qui viennent, puis là, ils te demandent des affaires que t'as dans ton entrepôt, puis là, ben, faut que tu les trouves vite, parce que t'as genre pas beaucoup de temps pour les retrouver, puis les ramener au client. Puis là, il y a plus de stocks qui sont livrés dans ton entrepôt. Puis là, ça unlock des nouvelles patentes. À chaque fois que tu complètes une batch de clients, de clients, c'est comme, maintenant, voici 4 nouvelles patentes que tu peux recevoir dans ton entrepôt. Puis là, t'es comme, ah ouais, mais là, comment je vais trier ça, là? Je sais pas. Puis, c'est juste ça, le jeu. Tu fais juste trier, puis trier, puis trier, puis on fait juste stacker plus de Ben, stock, genre. t'es même pas vraiment obligé. Tu pourrais ne pas trier. C'est juste Tant qu'à que un tu te moment donné, t'es retrouves. comme, t'as trop d'affaires, pis Ouais. t'es tout en tapon, pis là t'es comme, oh fuck, j'aurais dû mieux trier. Ou t'es comme moi, pis là, prends ben trop de temps à trier. Pis Ah, fait là, que là, ben t'as t'as pas du le temps temps, de tout j'imagine? Ah, trier. non. Parce que là, c'est comme, ok, là, lui, je vais aller mettre ça là, lui, il va aller là, lui, il va aller là. Quoi, j'ai déjà plus de temps! Oh non. Ils veulent déjà leur commande, mais il me reste la moitié du camion à aller trier. Comment? C'est Fuck. J'ai l'impression que ça serait stressant de bord. quand même un peu stressant comme jeu. Parce qu'il y a toujours du temps limite. Mais, heureusement, à toutes les comme 3-4 commandes, là, le jeu fait comme, OK, là, on te donne infini de temps. Prends ton temps puis fais le ménage de ton entrepôt. Fait que là, j'étais comme, OK, là, on va bien trier les affaires. Puis là, c'est comme, Nice. OK, j'ai la section bouffe qui est très importante. J'avais la section comme voyage, comme des cartes, des loupes, puis des boussoles, puis une tente. Puis Wow. la section comme trucs visuels, genre télescope avec loupe, ça c'est les trucs, les jumelles, ça allait, mais c'est comme, les jumelles, c'est aussi un peu voyage, fait qu'il était à côté. J'avais la section comme couleurs et patterns. Que je suis comme, bon, toutes les rayures, okay, on va mettre les rayures ensemble, toutes les autres sortes de formes qu'on sait pas trop c'est quoi. Je suis comme, on va les mettre là parce qu'on sait pas trop c'est quoi. C'est pas Je... écrit, c'est quoi, hein? C'est juste Ah comme tu non, vois non, non, l'image, puis non. comme C'est une image, arrange-toi. une icône là, avec Ok. des couleurs. Puis Je là, peux imaginer que c'est un tapis, mais personne te l'a dit. J'avais une section bouteilles. Comme tous les trucs, comme c'est comme des contenants bouteilles. Fait que là, je mettais ça. Puis là, mané, j'ai reçu du savon à main. Mais tu sais, dans une pompe, là. Ouais. Puis j'étais comme, est-ce que je mets ça dans la section bouteille ou dans la section maison? Hein? C'est une question valide, là. Puis là, c'est comme, c'est pas comme si les deux étaient proches. La section bouteille, je l'ai mis en haut à droite. La section truc de maison, c'était en arrière de la colonne à l'autre bord. Fait que c'est quand même assez drôle, mais c'est comme, c'est un peu trop stressant pour moi. Ça parle clairement à comme trois gamers absolument super Oui! spécifiques sur la planète. Oui! C'est pour eux. Et pourtant, le jeu, il y a Mais comme. c'est le fun pour tout le monde, je suis sûr, là, Ouais, ben, il y a ceux qui vont l'essayer, qui vont faire Ah, c'est cool, j'ai qui aimé pense ça à autre une chose. soirée. C'est ça que j'ai fait. J'ai joué à ça un vendredi soir, j'étais un peu comme tanné de la job. J'étais comme Ah, m'a essayé un nouveau jeu, ça va me changer les idées. J'ai joué une soirée, j'ai fait Ok, j'ai tout vu ce que je pense que. Parce qu'à un moment donné, c'est comme. Le jeu, il en rajoute tout le temps. C'est comme, mais quatre nouveaux items, quatre nouveaux items, quatre nouveaux items. Trouve où est-ce que tu vas les trier. Puis c'est comme, mais là, mon système d'organisation. Ouais. Des fois aussi, tu prévois tes affaires, mais là, t'en as trop de toutes la même sorte, comme tu sais plus, là, t'es obligé comme de déborder ailleurs. Ah ouais, c'est ça. Des fois, là, c'est ça qui arrive. Puis Ah là, c'est non, comme, bon, ça au rend lieu de vieux. te donner comme trois. Trois jumelles, il t'en donne 27. Puis là, t'es comme, mais là, je vais les mettre où toutes ces jumelles? Fait que là, t'es comme, OK, là, on va faire de la place. On va tasser les affaires. Puis Là, comme. ça serait plus vite d'avoir deux sections de jumelles, mais comme tu peux pas faire ça. Et là, comme je vais jamais me retrouver, là. Puis, qu'est-ce que je voulais dire? Tu sais, à chaque set de commandes, là, plus tu performes bien, tu en as comme des étoiles. Puis là, ça va te permettre d'acheter des power-ups, genre. Fait que tu peux comme faire que ton bonhomme bouge plus vite, ou il peut transporter plus de choses en même temps. Il y a un dash que tu peux faire. Ou tu peux comme exploser, enlever les colonnes dans ton entrepôt pour faire plus de place. Ok. Ça a l'air sécuritaire. Ouais, c'est ça. Ben, c'est comme des piliers, c'est comme juste un carré, c'est en 2D, là. Oh non, je sais, mais je sais pas, j'essaie d'imaginer un lieu de travail, puis la CNESST, là. Je sais Chut, pas, chut, on chut, enlève chut. ça, les colonnes, on perd l'espace. Ah, l'espace. Ah, puis l'autre affaire que j'ai oublié de dire, c'est que comme. Les affaires, tu les vois pas de loin. Tu sais, comme, tu te promènes dans ton entrepôt, mais tu vois juste comme des carrés, du noir. Il y a comme du fog of war. Oh shit! Fait qu'faut que tu te promènes pour te rappeler, t'as mis tes affaires où? Fait que faut vraiment que tu te rappelles où est-ce que t'as mis les Oh shit! affaires. C'est Mais pour ça. ils sont obscurcis par qu'est-ce qu'il y a devant? Sont Ou obscurcis. juste à cause de la distance? Ah ouais, c'est parce que Oui. les piles sont hautes. Ok, Les tout. deux, Ok. ok. Aux deux. Mais t'as pas de pile, c'était juste comme. Parce que c'est en 2D, là. Fait que c'est Non, mais comme ils vu peuvent d'en être haut. derrière quelque chose par Ouais, mais ils rapport à peuvent toi. être derrière par rapport à toi. En fait, c'est un peu plus subtil. C'est pas juste du fog of war. C'est comme quand t'es très loin, tu vois rien du tout. Tu vois les colonnes puis les murs. Quand t'es plus proche, là, tu vois les icônes, mais gris, genre noir-blanc. Puis quand t'es proche, là, tu vois les couleurs. Puis on s'entend que les noirs-blancs, c'est barely minimum. C'est difficile. Ok. Parce que t'as besoin des couleurs, parce que comme il y a trop d'affaires, là. Il y a plein de trucs. Puis t'es comme, voyons, là, je cherche le rouge, là. Fait que, ouais. Fait que tu t'approches, puis là, ben, t'y vois. Fait que, yeah. C'est assez simple, mais c'est comme, quand même. Tu sais, c'est une belle soirée que j'ai passée à jouer à ça, là. Tu dois rentrer dans un groove, là. Puis là, après ça, genre, ça Ouais. roule. Ouais. Nice. C'est dur de faire une pause, par exemple, parce que quand tu reviens, t'es comme, oh non, où est-ce que j'avais mis ça? Non. Puis je sais pas, je m'attendais à ce que ça soit un peu comme un roguelike, comme un moment donné, ben là, tu meurs, puis là, tu recommences, puis là, ben, t'as un nouvel entrepôt, puis là, tu recommences. Oh, si tu rates trop de commandes, mettons? Je sais pas, je me suis pas rendu à un stade game over. J'étais toujours trop bon. Vu que mon entrepôt était très bien trié, j'étais toujours très bon pour faire les livraisons. Tu sais, il me restait du temps, puis quand il te reste du temps, tu peux soit l'utiliser pour trier, ou comme aller payer Saint-Python pour dire genre, OK, j'ai fini, donne-moi la prochaine batch tout de suite. Puis là, ça te donne plus d'étoiles dans ce temps-là. Oh, OK. Puis les étoiles, t'en as besoin pour acheter les power-ups, puis enlever les colonnes. Fait que, ouais, ça, c'est cool. Wilmot's Warehouse. Il est sorti un peu partout. Je pense qu'il est sur Itch. Il est sur Humble, je pense aussi. Je sais qu'il est sur Epic. Moi, je l'ai joué sur Epic. Ouais, il a été ouais, gratuit. Je l'ai peut-être eu gratuit, c'est ouais. Ça. Je pense que j'avais pogné quelque chose. Moi, je ça, m'en souviens. J'avais l'intention de jouer acheté, à un moment donné. Puis il doit être sur Steam aussi. Là. Fait que c'est Wilmot's Warehouse. Si, ok. Si jamais vous avez écouté ça, faites, ce jeu-là n'est vraiment pas pour moi. Allez quand même écouter le trailer. Parce que le trailer, il est vraiment cute. Ah, pour vrai? Je l'ai un peu vu. Oh, ouais. Mais... Parce que c'est comme. C'est, tu vois le jeu. Le trailer, tu vois comme du gameplay, mais t'entends la fille, la joueuse, parler à voix haute, puis à faire comme genre. Oh, ok, où est-ce que j'ai mis ça? Puis, tu sais, comme, ça t'aide à comprendre que c'est un super bon trailer. Ça t'aide à comprendre comment que le jeu fonctionne de manière concise et cute. Puis plus que juste comment ça fonctionne, mais aussi les émotions que tu vas ressentir parce que la fille est comme genre, oh non, comment je vais trier ça? Où c'est que j'ai mis ça? Mm-hmm. Fait que, c'est vraiment un très bon trailer pour un jeu qui était probablement très difficile à montrer en trailer sans ce genre d'explication-là. Cool. Puis là, on approche pas mal des mots de la fin, hein? Yep. Fait ouais, ben que... c'est ça, parlant de trailer qui explique trop pas c'est quoi comme jeu. Genre, ça aurait été un excellent segue pour Genshin Impact, mais je vais en parler une autre semaine quand on aura plus de temps. Ah, je voulais en entendre parler. Je trouve que le trailer, comme les pubs, indiquent vraiment pas comme ce que c'est, là. Ça. Je suis d'accord. Ouais. J'étais allé sur le site web, le trailer montrait des cutscenes. J'étais comme, il y avait rien. J'ai fait « fuck this ». Non, ça aide. Fait que l'importance d'un bon trailer, c'est quand même non négligeable. C'est bizarre parce que c'est comme le jeu qui en avait même pas de besoin. Genre, tout le monde joue pareil. Ouais, tout le monde joue. Ouais, I guess. Mais il avait comme... pas besoin d'un bon trailer. C'est bizarre. C'est vrai. Mais j'entends vraiment beaucoup de gens me dire genre, ça a juste l'air d'un gacha game asiatique, classique. Non, quand tu commences à jouer, c'est carrément, il y a des affaires de Breath of the Wild dedans, ouais. Comme pour vrai. Ouais, oh, non, vraiment, là. Il y a une grosse map avec plein de trucs à trouver, puis comme les éléments, ils sont importants. Comme, mettons, tu tires une flèche de feu sur un bouclier d'un ennemi, il pogne en feu, puis ça fait quelque chose. Mm-hmm. Ouais, puis c'est si ça, mais les gens disent beaucoup Les tornades pognent en feu. Les gens disent beaucoup que c'est très de Breath of the Wild, mais tout le côté du combat élémentaire puis tout, c'est complètement unique, là, c'est complètement différent. Ça a rien à voir. Ouais, ça file un peu comme un MMO d'une certaine manière, des fois, mais... Mais t'es tout seul. C'est ça aussi, les gens pensent que c'est... Ben, au début, t'es tout seul, mais après, tu peux jouer avec... Ah, mais il y a bien plus d'éléments, là. Il y a genre 7 éléments nerfs. Fait que, tu sais, comme... Genre... Et puis c'est parce que tu switches entre tes bonhommes. Fait qu'il y en a 6 ou 7, je me rappelle pas. Mais c'est ça, comme... J'aime pas, le monde pense tout que ça va être un espèce de truc social, MMO, quelque chose de genre, mais comme, non, c'est vraiment un jeu single player, là. C'est vraiment... Là, tu peux jouer à plusieurs après. Mais ça prend full de temps avant que tu unlocks le coop. J'ai pas unlocké encore. Pis ça me dérange pas, parce que j'ai du plaisir en single player. Mais c'est ça, les interactions élémentaires sont full raides, là. T'as genre de l'électricité, pis de l'eau, pis du feu, pis de la glace, pis tu peux juste... Tout ça interagit ensemble puis donne de quoi. C'est quasiment comme Divinity. T'as pas besoin d'y penser au début, là. Tu peux juste comme faire comme, OK, je switch de bonhomme, puis là, par magie, genre, ton affaire d'électricité a réagi, puis là, tu re-switch, puis là, oh, ça pogne en feu, puis blablabla. T'as juste à comme switcher tout le temps puis faire plein de gugus, si ça te tente pas. Puis ça va marcher. Je vois. Puis un moment donné, t'es comme, OK, là, je veux les apprendre. Switcher entre quatre personnes, c'est le fun, là, d'avoir toujours quatre personnes internationales. Puis c'est ça, c'est que le switch, c'est pas entre les combats. Tu switches de personnage en combat avec un cooldown de genre 2 secondes. Ouais, tu pèses sur ton prochain chiffre, ça fait pouf, t'as ton bonhomme. Fait que c'est très très Pouf, tu genre changes de bonhomme. piou, flèche de feu, next, genre spell d'eau, next, tornade, next, genre. C'est Tu vraiment. vois, mettons, ils ont toutes leurs méga spéciales de chargé. Tu fais, OK, celui du premier, switch, je fais celui du deuxième, switch, je fais celui du troisième, puis tu pitches les méga spéciales à tout le monde, puis ça Sa fait plein de dégâts. défense. Tu peux jouer super paresseux ou comme tu peux t'investir à fond puis tout comprendre. Ouais, j'ai fait un meme l'autre jour, pis c'est ça, j'étais comme, tu peux vraiment t'investir, pis genre faire comme, ok, là, ça, c'est une slime de glace, fait que je vais commencer par l'électrochargé pour que ça fasse super conduct, pis là, après ça, je vais... Ou sinon, tu peux juste, genre, prendre Noël avec une fucking grosse Claymore, pis faire genre, smash, smash, smash. Hélicoptère. Oui! Mais, Noël goes wham! genre, puis à quel point est-ce que c'est loaded de pub ou de monétisation? Ben, c'est pas loaded pub, là, zéro. Ou La de grinding? monétisation, c'est. Non, c'est pas du grinding parce que c'est Breath of the Wild, tu te promènes dans. C'est ça l'affaire, c'est comme. Il y a Mais là, rien ils qui a font leur l'air. argent comme elle. Il y a des Ben. bonhommes beaux que les gens veulent. Il y a des waifus cute. Tu peux les summoner. Les versions gratuites sont moins hot. Mais comme on dit, tu peux juste comme. Passe à travers, là, mais si t'es vraiment super intense, pis t'es comme genre, je dois avoir le groupe optimal, pis là, cette personne-là, elle fait 2000 dégâts de plus à chaque fois qu'elle fait son super, fait que là, je vais la summoner. C'est un gacha game, c'est pour avoir plus de personnages dans ton arsenal. Puis vu que c'est pas PVP, tu peux pas avoir de play to win. La seule raison que tu veux avoir ces affaires-là, c'est parce que tu veux être plus fort puis battre les affaires plus vite que les autres, mais comme t'as juste à battre les affaires moins vite si tu veux pas payer. Avoir des waifus cute. T'as juste à jouer peut-être plus prudent, tu vas avoir moins d'attaque puis moins de défense. À quel Tu vas point être capable pareil. Ouais. Mais tu grindes pas parce que c'est un grand open world avec plein de puzzles, puis plein de choses à explorer, puis plein de shrines, puis il y a comme tellement plein de choses à faire, là. Tu fais juste comme. T'es comme un écureuil, là. T'es comme, oh my god, il y a quelque chose qui brille par là. Oh my god, il y a un ennemi par là. Oh my god, il y a un puzzle par là. Oh my god, un Will of the Wisp, on va suivre le Will of the Wisp. Comme. Il y a de la T'arrêtes pas. cuisine avec un genre de quick time event, façon de parler, là. T'as comme un petit Oui. meter, puis faut que tu pèses quand la barre arrive à la bonne place, puis là, ah, oh, ton steak est bien fait. Fait qu'il y a plein de crafting. Ouais. Non, ce jeu-là a absolument aucun fucking droit d'être un jeu gratuit chinois gacha game pis d'être aussi fucking bon. C'est ça qu'on essaie de dire, Narf. D'être aussi bien localisé, aussi intéressant en solo, aussi peu genre toxique. Pas de PVP, pas de compétition, genre tu fais ce que tu veux, c'est ton open world, c'est ta game, amuse-toi, genre ce jeu-là a aucun fucking droit d'être d'une aussi grande qualité. C'est Merci vraiment Anne-Marie. impressionnant. Quoi? Merci Anne-Marie d'avoir lu mon Ouais. sceptique dans ma face. Parce que c'est exactement ce que j'étais comme. Je comprends pas ce jeu-là. Puis comme en tant que designer free to play, je comprends pas non plus comment ils font leur argent. Mais moi je Je comprends pas comment comprends. qu'ils l'ont financé. Avant de Ben commencer à c'est faire ça. leur argent. Ah, Mais mais c'est c'est ça. parce que je pense que c'est les gens de Honkai Third Impact. Oui. Il y avait déjà de l'argent, là, mais comme. Genre, ça doit être un esti gros tall order de genre aller voir tes. Voyons. Les gens qui te financent, là, ton board of directors, puis faire comme, OK, ça va être entièrement en 3D. Il va avoir plein d'animations, il va avoir genre 25 personnages, puis ils ont tous les skills différents, parce que les personnages que tu summons, c'est Ça, pas des reskins. Puis ça va à date, ça va ça, être entièrement voice acté, localisé dans genre 4 langues à la sortie. ça aussi, pour des gros jeux free to play, ouais, ça existe. Puis il va avoir des storylines puis des quests partout, puis c'est pas du répétage de la même affaire. Tout le monde a son histoire, puis sont intéressants. Ah, puis les mécaniques aussi, comme, by the way, à un moment donné, ça devient un stealth game. Puis il faut que t'ailles voler de quoi. Puis Ah genre ben là, tu te là, ok. promènes, puis là, tout d'un coup, les gardes, faut pas qu'ils te pognent avec une mécanique de Puis ouais, stealth. il y a comme du vrai stealth avec comme des headshots, genre les camps d'ennemis, c'est comme dans Breath of the Wild, tu peux essayer de pas te faire voir, puis comme essayer de torcher le premier ennemi, puis les autres sont comme, puis ils t'ont pas encore vu. Il y a un bout à la Witcher où genre il y a des traces à terre, puis faut que tu utilises ta vision élémentaire pour détecter les traces à terre puis savoir où le gars il est parti. Donc, c'est Ah, un c'est jeu ça. de toutes. Non, mais comme c'est un vrai jeu, pas un jeu free to play. On dirait que c'est ça, c'est que genre C'est parce que je pense que c'est pour ça aussi que tout le monde capote en ce moment là, c'est qu'un jeu free-to-play comme ça, on l'évalue au barème. Ceci est un jeu free-to-play avec des gacha mécaniques. D'où ma farce, là, oui. Fait que c'est pour ça que tout le monde, leurs standards sont complètement blondes. C'est sûr que si tu penses à Breath of the Wild, qui est un jeu à 80$ qui vient sur une console à 400$ qu'il faut absolument que t'achètes pour pouvoir jouer, c'est sûr que c'est pas pareil, là. On n'est pas sur le même barème, okay. La personnalité qu'il y a dans les animations a l'air beaucoup moins cheap dans Breath of the Wild. Quoique les NPC, mm-hmm. des fois, sont pas mal ordinaires. Là. Mais comme planer dans Genshin Impact, ça a l'air BS un peu. Là. Ah ouais? Je sais pas. Moi, je suis juste contente qu'on puisse planer. Ouais, tu planes, mais t'as l'impression comme, je sais pas, là, que t'as une espèce d'affaire statique qui glisse sur des coordonnées. Là. Peut-être, ouais. T'as pas vraiment l'impression de sentir le vent. Je vois. Ça marche pas tout à fait pareil. L'escalade, elle se fait pas aussi bien. Les menus sont très mélangeants. Ouais, les menus sont pas encore au point, là. Ah, ben c'est un jeu chinois. Ben la localisation, je m'attendais, genre, mes standards étaient tellement bas sur, genre, la traduction, puis le voice acting, puis tout, puis genre, it's fine. Wow. C'est super correct. Il y a plein d'inside jokes super cool, comme t'as une petite bébite, une petite fille qui vole, qui te suit partout, qui s'appelle Paimon. Ouais, c'est une fée. Ou un snack, dépendant. Ouais, c'est ça la joke. Tout le monde, j'en fais la joke que c'est un snack, parce que tu peux... Ça sert à rien, en plus, mais quand les gens te parlent, tu peux répondre ce que tu veux, puis des fois, ils répondent en conséquence, mais c'est comme, finalement, ça fait rien, c'est juste... Ça change un peu les dialogues. Je ne sais pas s'ils t'entendent. J'ai comme entendu quelqu'un dire qu'en fait, t'es plus comme un mute, comme un voiceless protagoniste, puis que c'est Paimon qui parle à ta place. Ce qui est effectivement pas faux, parce qu'en général, c'est pas mal elle qui prend comme le dessus de la parole. Ouais. Parce que toi, tu parles pas, t'as pas de voice acting pour ton bonhomme. Fait que genre, comme je me suis dit, peut-être que comme justement, ces décisions-là, c'est plus ce que tu penses, puis Paimon, elle va bien dire ce qu'elle veut dire. Mais anyway, c'est que Paimon, il y a quelqu'un qui te demande genre qu'est-ce que tu fais ensemble, puis tu peux répondre que c'est ton snack d'urgence. Puis c'est devenu le mime, évidemment. Ouais, qu'est-ce que c'est une bonne qualité d'un jeu d'avoir des trucs qui deviennent des mimes facilement, fait que comme après ça le monde les partage, puis ça devient populaire, puis ça contribue. C'est sûr. Fait que là, ce que vous me dites, c'est genre continue à jouer à Breath of the Wild quand même. Mais c'est pas versus. Pareil. Comme, il y a eu une grosse controverse que ça y ressemblait trop. Moi, je trouve que c'est pas pareil. Ok. Ça va être un jeu que tu vas revenir pour faire des vies, puis tu vas pouvoir revenir, mais comme... Parce que le combat a rien à voir. Je trouve que le combat a vraiment pas grand-chose à voir avec Breath of the Wild. Tu switches entre quatre personnes, puis tu fais des interactions élémentaires, puis t'as un ultimate qui se boost over time, puis... Puis là, il y a beaucoup de blocage puis de dodgeage dans Zelda Breath of the Wild. C'est pas ça dans tout dans Genshin Impact. Mm-hmm. Plus comme du combat des MMO où est-ce que, ok, tu peux bouger pour t'enlever, mais finalement, tu tanks plus qu'autre chose. Là. Moi, j'aime bien le fait que les archers, ça peut devenir comme tu deviens en mode FPS puis t'es capable de headshotter. Là. Ça, c'est quand même très cool. Ça, c'est vrai. Ouais. Fait que c'est plus qu'un MMO. C'est pas vraiment un MMO, mais il y a de la parenté aussi, là. Tu peux tapoter le piton attaque plein de fois, puis ça va marcher quand même. Ouais. Puis t'as un paquet de bonhommes à équiper, puis à booster aussi, c'est pas juste un bonhomme, mais tu sais, comme, tous les éléments sont pertinents, fait que genre, tu sais, même si ta team, c'est juste 4, il y a plus d'éléments que ça, fait que tu sais, comme, mettons que dans ta team, tu vas avoir vent, feu, eau, puis terre, mais t'as quand même un dôme de glace en backup. Puis une personne électrique en backup, dépendamment de ce que t'as besoin. T'sais, fait que t'as plus de personnages à booster que ce que tu peux avoir dans ton party, comme tout le temps. Fait que c'est ça, faut toutes tes équipes. Faut que tu craftes, faut que tu améliores leur shit. Faut que tes items t'es boost, puis tes bonhommes t'es boost. Pis... Quand tu t'en vas en multi, ben ce que tu fais, c'est que t'as un main, puis tu boostes ce personnage-là parce que c'est tes amis qui vont te backer avec leurs éléments, mettons. Mais t'as quand même tes plusieurs personnages, là. Mm-hmm. Sauf que des fois, tu peux faire exprès de tout mettre tes ressources dans un parce que tes amis en jouent d'autres. Ah, ouais, effectivement. Fait que c'est hot quand tu joues gratuit. Ou même quand tu payes, tu peux payer tout sur ton bonhomme préféré. Au lieu de splitter tes ressources sur tous tes bonhommes. Bon, Fait que là, pour un jeu qu'on avait dit qu'on n'allait pas en parler, Ouais, shit. on a pas mal Mais c'est parlé. ça, on n'en parle pas. On en parle, finalement. Qu'est-ce Ben, qu'il y a? je Pas de parlerai la problème. semaine prochaine des open world, puis juste des puzzles que tu découvres comme tout le temps par hasard, puis c'est vraiment l'espèce de feeling de Breath of the Wild, que juste comme, t'as l'impression que tu marches vers rien, mais y a plein d'affaires à découvrir tout le temps, partout. Moi, j'ai pas joué assez. Puis le jeu, c'est comme. C'est slow parce que justement, plein de monde a parlé, plein d'affaires à voir. Ouais, le début Je est sais pas slow, je où la trouve. fin. Fait que Le moi, début est Pian slow. Mary, on va sûrement devoir jouer longtemps avant de pouvoir donner une opinion de ça. Il y a plein d'affaires qu'on n'a pas vues, je suis sûr. Votre Une vingtaine première d'affaires. opinion semble bonne. Pour vrai, ouais. Ouais, c'est étonnamment. Bon. Ben, c'est donc ce qui nous amène pour de vrai, ce coup-là, à nos mots de la fin. Moi, je voudrais faire une petite correction. Ben, un ajout à mon mot de la fin de la semaine passée. J'avais parlé d'un truc pour faire des parties en vidéo chat qui Oui. s'appelait. Ben, je me souviens The plus comment. online pointant. Ouais. Ben, là, ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a une meilleure version de ça. Oh. Qui est comme. Ça, c'était le premier. Celui que j'ai parlé la semaine passée, c'était comme un prototype. Puis, comme il fonctionne. Mais là, ils ont fait une version plus améliorée avec plein d'affaires. Tu peux customiser tes maps. Tu peux changer tes bonhommes. Tu peux. Il y a plus. C'est. Pour avoir essayé les deux, c'est comme le onboarding est meilleur quand t'arrives dans le nouveau. Fait que ça s'appelle Gather ou Gather.town. Donc, Gather Town. Et encore une fois, je recommande beaucoup si vous avez des parties, des familles, si vous avez des n'importe quelle situation où est-ce que comme un vidéo chat, ça commence à être un petit peu trop de monde, puis là, ben, il y en a juste deux qui parlent, puis les autres, ils disent rien, puis ils écoutent. Ben, si c'est votre truc, tant mieux. Mais si vous préférez comme faire des encore plus gros parties, puis là, comme des fois avoir des petites conversations en privé, puis te promener d'un groupe à l'autre, ben là, c'est comme c'est ça, mais dans une map en 2D. Cool. Puis je l'ai utilisé là avec plusieurs personnes cette semaine, puis ça fonctionne super bien. Pourrait peut-être être de shit pour les parties de Noël à venir. Ah ouais, non, ça oui. Effectivement, ça va être probablement très bien. La nouvelle version, ils ont des forfaits payants. Fait que c'est gratuit jusqu'à 25 personnes simultanément. Puis après ça, ben, tu peux payer pour avoir plus de monde, meilleure qualité, des plus grandes maps, customiser des maps plus. Comme ils montrent des use cases, là, comme tu peux faire des conférences comme le GDC ou MIGS là, avec comme des grandes salles, puis là tu te promènes, tu peux être prof puis t'en servir avec tes étudiants, tu peux être parce que genre il y en a un qui parle puis les autres ils le voient, mais comme une espèce de mode broadcast. Parce que ah oui, j'ai Okay. oublié, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine passée, là, la particularité de cette affaire-là, c'est que tu peux juste voir et entendre les bonhommes, les gens, que leur bonhomme il est proche du tien. Souvent, ce qui arrive, c'est qu'il y a des sous. T'sais, comme dans un vrai party, ben, il y a plusieurs pièces dans la maison. Fait que là, les gens se promènent d'une pièce à l'autre, puis ils vont jaser. Peut-être un peu plus tranquille, ou ils reviennent dans le gros groupe. Ben, tu peux faire ça. J'ai vu aussi qu'il y avait des options pour de travail. Genre, tu peux mettre un document, puis là, ou un tableau blanc, puis là, les gens peuvent commenter, puis t'sais, dessiner sur le tableau blanc pour faire un brainstorm ou des choses comme ça. Partager un document comme un Google Doc ou des choses comme ça. C'est très cool. Fait que, yeah, checker ça. Moi, j'ai proposé à ma job pour les 5 à 7, puis les parties, puis tout ça, là. Fait que c'était mon mot de la fin. Gather.town. Nice. Et vous, est-ce que vous avez des mots de la fin? On a-tu droit à un autre, même si on a parlé de Genshin Impact beaucoup trop longtemps? Ben là, c'était pas un mot de la fin, là. Ça a duré 25 minutes. Alright. Ben, là, je vais pas chialer parce que je veux juste plugger que j'ai fini The Witcher 3. Au complet. Toutes. Tout. Toutes. Toutes les points Wow. d'interrogation, toutes les quests. À part les, comme, deux que, genre, ils ont planté à un moment donné dans le main game. Mais, comme, mettons 98% du jeu. Toutes. Ce qui est pas toutes les... C'est juste comme 70% des achievements, parce qu'il y en a plein que c'est des achievements de New Game Plus, pis tout, pis que je ferais pas. Mais, ouais, 160 heures, pis ben ça vaut la peine. Juste dire que The Witcher 3, c'est excellent, pis ça vaut vraiment la peine, même en 2020, même si ça fait un bout qui est sorti, pis comme c'est pas pour rien qu'ils arrêtent pas de le porter, parce que c'est un hostie de bon jeu. C'est vrai que ça serait drôle que tu fasses comme moi. J'ai fait 160 heures, j'ai fait toutes les quests, fait que là, je peux dire avec Avec conviction. énormément d'assurance que c'était moyen. C'est là, j'en suis sûr. J'ai pas aimé ça tant que ça. 4 sur 10. Non, c'est ça. Peut-être ça un mot de la fin. Tellement. Je me suis fait emmener en taxi dans Sky à midi, puis c'était le fun. Ouh. Sky, c'est plus le fun avec le Discord de Sky. Tu t'en vas sur, genre, trouver un groupe live, puis tu dis, y a-tu quelqu'un qui veut me Uber à travers la prairie? Puis là, y a quelqu'un qui est genre, ouais, je fais le Uber. Nice. Puis là, on était juste deux, mais des fois, tu peux te ramasser comme 3-4. Puis c'est genre, OK, je fais le taxi. Moi, je connais toutes les chandelles. Puis là, tu taxis, genre, 3 personnes. Tu ramasses tout. Puis eux autres, ils regardent où ils dînent. Comment tu fais pour inviter quelqu'un de précis par Discord? Tu donnes ton username, genre? On s'envoie nos codes QR. Ok. C'est comme si tu veux inviter quelqu'un dans ta game, ça te donne un code QR, tu y envoies un message direct. Ouais, ok. J'étais pas sûr, sinon, comment vous allez vous retrouver, mais ok. Parce que je pense qu'il y a des règles sur le Discord de pas poster directement les codes QR, mais c'est comme, tu peux parler aux gens, faire comme, rejoignez-moi, puis là, ben, ils t'envoient des messages privés. Cool. Fait que c'est ça, j'ai fait tout ça avec quelqu'un. Il y a aussi quelqu'un qui partait, mais je me suis fait doubler. Que les autres, ils ont dit, moi j'y vais. Fait que j'ai pas pu aller avec l'autre. Et donc, thank you. C'est ce qui termine cet excellent podcast de jeux vidéo de On a juste une vie. Si vous avez aimé ça et que vous voulez vous abonner, on est sur Apple Podcasts, YouTube et sur Twitch. Vous pouvez trouver tous les liens sur notre site web onajustunevie.ca. Si vous voulez nous écrire comme Hubert au début de l'épisode, vous pouvez nous envoyer un email à info@onajustunevie.ca puis on va vous lire en ondes, ça va être super drôle. Envoyez-nous votre meilleure blague de concombre coupée dans le sens de la longueur, ça serait vraiment cool. Si vous voulez faire notre journée là. Ah ben là, c'est sûr. Merci à tous les gens qui étaient dans le chat. C'était très cool de vous voir. Ben oui. Je vais mettre le lien pour le partager pour que vous puissiez rejoindre notre groupe Discord et poursuivre la conversation avec nous. Merci à mes collègues Anne-Marie et Blob d'avoir été avec moi ce soir. Et on se retrouve la semaine prochaine parce que on a juste une vie. De Mexico, Sarah, des trucs en allemand que je comprends pas, Corrida, Robinson, Himalaya, Samouraï. Ah oui, cette ville du Japon. Je sais pas. Samouraï, c'est pas capitale de la Chine, ça? C'est comme subtil, rafraîchissant, c'est juste c'est le fun des cocombes. Mais c'est pour rarement ça que je comprends pas le bienvenu. C'est vrai. Mais c'est pour ça que je comprends pas pourquoi les mettre dans l'eau, là. I don't get that. Tu peux difficilement manger trop de cocombes. Genre, normalement, là, mettons que tu mets des cocombes en entrée, puis t'en as fait beaucoup, puis là, monte ça, puis les mange pas toutes. À la fin, ils ont comme plus faim, mais comme, oh, un petit bout de cocombe, ça passe tout le temps.